Ouais. 0-4 à la mi-temps et 0-6 à la fin du match. Mi-temps, 0-4. Ok, vous pouvez travailler maintenant. Allez, je bosse avec des averses qui sont déjà bien actives sur le littoral. On a sur le centre du pays une petite bande dégagée avec des éclaircies depuis la région anversoise jusqu'au Hainaut. Et puis on a aussi quelques averses qui se forment dans la région de Maastricht sur le nord du plateau de Herve. Et puis quelques gouttes aussi sur la botte du Hainaut. Sur le sud du pays, ciel nuageux et température assez fraîche. Les averses vont se multiplier dans le courant de la journée. Ce sera la journée la plus maussade de la semaine avec donc averses et moments d'accalmie, 9 à 14 degrés. La suite, eh bien, un temps de plus en plus sec de jour en jour et des températures qui se maintiennent entre 9 et 13 degrés. Viva 9h. Sébastien Pierret pour le journal, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Syndicat et direction d'ING se parlent depuis une demi-heure. Le premier conseil d'entreprise depuis, dans le cadre de la procédure Renault, la procédure de licenciement collectif a débuté. C'est le moment des explications où les syndicats vont pouvoir poser toutes leurs questions avant d'entamer la phase de négociation à proprement parler. Une rencontre abordée de manière sereine mais méfiante tout de même par les syndicats. Suite à la semaine passée, où il y a quand même eu pas mal de tensions et de pressions qui a été mises de la part de la direction. Donc on est vraiment curieux de voir comment ça va tourner. On a aussi l'impression que la direction voudrait bâcler la phase d'information. La phase d'information, elle n'est pas là pour rien. On a besoin de tous les détails chiffrés et les raisons pour lesquelles cette restructuration a été mise en place. On a un peu l'impression qu'on risque de nous bombarder d'informations durant ces deux jours. Et qu'on aura du mal à analyser et du mal aussi à faire des bonnes contre-propositions. Pascal Breyer, délégué syndical 7K chez ING. La semaine dernière, à cette heure-ci, la banque a annoncé la suppression de plus de 3000 emplois. Quelques heures de sommeil, puis retour au travail pour les ministres du gouvernement fédéral. Ils se sont quittés à l'aube et se retrouvent dans deux heures. Il manquerait toujours 3 milliards d'euros pour combler le trou budgétaire de 2017. Mais c'est tendu autour de la table. L'OpenVLD et la NVA voudraient accélérer la dégressivité des allocations de chômage. Le CDNV ne veut pas en entendre parler. Il reste 24 heures au gouvernement pour se mettre d'accord. Aux États-Unis, un deuxième débat aux airs de comédie de boulevard cette nuit. Oui, le deuxième duel entre Hillary Clinton et Donald Trump a viré au règlement de compte personnel. Chacun a mis en avant les casseroles de l'autre, le tout dans une ambiance très électrique. Sonia Dridi, notre correspondante, a suivi ce duel pour nous. Le ton du débat a été donné dès le départ lorsque les deux candidats ont refusé de se serrer la main. Les modérateurs sont revenus sur les derniers scandales concernant Donald Trump. Le candidat républicain a réitéré ses excuses après la révélation de ses propos obscènes et sexistes. Je n'en suis pas fier. Je présente mes excuses à ma famille, au peuple américain. Clairement, je n'en suis pas fier. Trump a ensuite enchaîné les attaques contre Hillary Clinton pour tenter de sauver sa campagne. Il a évoqué les accusations de viol qui pèsent contre son mari et a annoncé qu'elle pourrait finir en prison à cause de l'affaire de ses emails. Loin de se laisser démonter, Hillary Clinton a gardé son calme et a rappelé que selon elle, le candidat républicain n'est pas fait pour être président ou commandant en chef des armées. J'ai commencé à le dire depuis juin. Il n'est pas fait pour être président et commandant en chef. Et de nombreux républicains et des indépendants ont dit la même chose. En effet, de plus en plus de républicains annoncent qu'ils ne voteront pas pour Donald Trump, mais les deux candidats restent largement impopulaires dans leur parti. Et après ce débat qui a très peu abordé les vrais problèmes des Américains, pas sûr que les nombreux électeurs indécis sachent davantage pour qui voter. Sonia Dridi, notre correspondante aux États-Unis. Le Syrien recherché depuis samedi en Allemagne a été retrouvé ce matin. L'homme est soupçonné de préparer un attentat. Il a été arrêté à Leipzig, une ville située au sud de Berlin. Un complice avait déjà été arrêté. Et bien notre marine, la marine belge, qui part en mission dans le golfe de Guinée. Le Godessia, un des navires de l'armée, s'apprête à larguer les amarres. À son bord, une petite centaine de militaires qui vont être séparés de leur famille pendant 10 semaines. En football, un duel des extrêmes ce soir. Oui, les Diables Rouges affrontent Gibraltar, 205e et dernière nation du classement mondial. Un match important puisqu'il s'agit du troisième match qualificatif pour le Mondial 2018. Le coach national Roberto Martinez veut toutefois rester prudent. Il se méfie des outsiders. Tout le monde aime avoir le rôle de l'outsider en football. J'ai vu Gibraltar jouer contre l'Écosse à Hampden Park, j'y étais. Gibraltar a marqué, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette équipe. Je pense que Gibraltar dégage quelque chose d'un peu désuet, chacun se bat l'un pour l'autre avec l'enthousiasme de représenter sa patrie. C'est une façon un peu à l'ancienne de représenter son équipe, des valeurs saines que j'apprécie énormément. De mon point de vue, je veux être sûr qu'on soit aussi concentré que possible. On a livré une très bonne performance vendredi. Émotionnellement, c'était très fort, mais très vite, il faut revenir aux bases et réussir notre match parce que je sais bien de quoi sont capables les outsiders. Roberto Martinez au micro de Manuel Jus. Romelu Lukaku ne devrait pas débuter la rencontre ce soir. Il ne s'est pas entraîné hier. Pour le reste, pas de grands changements dans le 11 de base par rapport au match de vendredi contre la Bosnie. Gibraltar, Belgique, coup d'envoi à 20h45. Un match que vous pourrez suivre, bien entendu, en direct sur la Une en télé, en radio sur Vivacité et sur notre site internet Ovio. Eh bien, on termine, Sébastien, avec un grand merci. Un grand merci pour votre générosité. Grâce à vos dons, Cap 48 a explosé le compteur. Hier, 5 552 026 euros. Objectif largement atteint. Donc, tout cet argent servira à financer des projets qui visent à améliorer la vie et le quotidien des personnes handicapées. L'administrateur délégué de Cap 48 nous donne quelques exemples. Le premier exemple qu'on connaît bien et qu'on a entendu, c'est les héliotropes. Aujourd'hui, cette association qui s'occupe de personnes handicapées mentales compliquées par des troubles psychiatriques associés sera une des priorités de Cap 48. L'autisme sera également une priorité. La grande dépendance, ces handicaps tellement lourds qui nécessitent des besoins supplémentaires pour aider les familles, seront au cœur de nos préoccupations. La mobilité, l'intégration des jeunes enfants dans les écoles ordinaires, voilà différents thèmes qui aujourd'hui sont au cœur de l'action Cap 48 et pour lesquels nous serons attentifs pour un financement futur. Renaud Tocquer, l'administrateur délégué de Cap 48 avec Eric Dagonier, 5 552 026 euros, donc récolté. Encore un grand merci et déjà rendez-vous l'année prochaine. RTBF Mobile Info, Adrien Demey, ça ralentit pour arriver à Bruxelles ce matin. Oui, avec encore des retards plutôt conséquents sur certains axes. Par exemple, venant de Liège, via le 40, vous comptez encore une quarantaine de minutes perdues. À partir de Bautersem, une bonne trentaine de minutes perdues. Venant de Gand, via le 40, à partir d'Herpemer, comptez également une quinzaine de minutes supplémentaires. Venant de Namur, via le 411, où ça ralentit des Rosières. Sur le ring de Bruxelles, c'était très chargé tout à l'heure. Ça reste encore sur certains tronçons. Comptez pratiquement 50 minutes de retard sur le tronçon entre Ytres et le carrefour Léonard. Une bonne trentaine de minutes perdues entre Ytres et Grand Bigard. Au cœur de Bruxelles, il y a ce véhicule en panne dans le tunnel Trône. C'est la bande de droite qui est neutralisée vers Béliard. Un accident à la Hulpe, ces chaussées de Bruxelles, ce qui engendre pas mal d'embarras de circulation vers le ring de la capitale. Cela ralentit d'une manière plutôt habituelle dans les différents tunnels bruxellois. Et puis ces morceaux de pierre qui encombrent le 40 Aix-la-Chapelle vers Liège. Ces blocs de pierre se trouvent à hauteur de Herve, donc soyez vigilance, est au kilomètre 106 vers Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très bon début de semaine sur Vivacité, sur la Une en télé. Benjamin Maréchal est là pour le débat, c'est vous qui le dites. Oui, après le temps de la solidarité hier soir, voici venu le temps du débat, c'est vous qui le dites, démarre. Merci Sébastien. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums après rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparexcel.be. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, l'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison quand il dit que l'amour n'a pas d'âge ? C'est donc une histoire d'amour qui dérange. L'avocat devra d'ailleurs s'en expliquer au tribunal demain. Il y a 2 ans, l'homme a rencontré la jeune fille dans le milieu de l'éducation. Ils ont entamé une relation. Il avait alors 39 ans et elle 14 ans. 2 ans plus tard, l'affaire se retrouve en justice, arrêtée puis relâchée. L'avocat anversois a eu ces mots. Que cela soit considéré comme un viol ne fait aucun doute, mais ce que je peux dire, c'est que l'amour n'a pas d'âge. La cour a imposé une absence stricte de contact, mais, rebondissement, on apprend donc que cette jeune fille est enceinte, elle est donc tombée enceinte à l'âge de 15 ans. En raison de son jeune âge, la justice ne peut lui attribuer aucun consentement en relation sexuelle, puisque chez nous, l'âge de la majorité sexuelle est à 16 ans, même si certains voudraient la baisser à 14. Alors c'est la question pour vous ce matin. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » ? La négociation du budget coince. Le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Et vous, ça vous dérangerait ? On attend donc d'une minute à l'autre le budget, les astuces, les taxes et autres mauvaises surprises du gouvernement. On sait qu'il faut boucher ce trou de 4,2 milliards. Eh bien, hier soir, ça calait encore, notamment sur cette idée de l'Open VLD. Les libéraux flamands voudraient qu'on active davantage les chômeurs et qu'une personne ne vive pas toute sa vie avec une allocation. Comment faire ? Eh bien, sans doute en passant par un système d'allocation encore plus dégressif qu'aujourd'hui. Vous savez que pour l'instant, les allocations de chômage baissent après 6 mois. On ne sait pas si l'Open VLD fait là une vraie demande ou si c'est un bras de fer pour obtenir autre chose dans un autre domaine, mais il semblerait en tout cas que le CDNV ne suive pas. C'est la question pour vous, question quasi de principe. La négociation du budget coince, le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation, et vous, est-ce que ça vous dérangerait ? Et puis au 070-233-466, l'idée de 2 députés. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, eh bien elle pourra donner une partie au papa. Est-ce que c'est mieux chacun son congé ou vous acceptez un paquet qu'on se partage ? C'est donc une proposition de loi de 2 députés Open VLD, dont Vincent Van Quickenborn, qui est papa depuis 5 mois. Précision importante, dans ce projet, on ne touche pas au congé de maternité obligatoire, mais bien aux semaines facultatives. Alors voilà le topo. Dans la loi actuelle, la maman qui ne prend pas tous ses congés avant d'accoucher peut les prendre après et donc les ajouter aux 9 semaines du congé postnatal. Dans la loi actuelle, si la maman n'a pas pris son congé avant d'accoucher, eh bien elle peut reporter des jours, elle peut reporter 5 semaines. Et c'est bien de ces 5 semaines-là dont on parle. Ces 5 semaines-là, eh bien, papa et maman pourraient se les partager. Ou pour le dire autrement, la maman pourrait céder ses jours. C'est la question pour vous ce matin. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle pourra donner une partie au papa. C'est mieux, chacun son congé, ou vous aimez l'idée d'un paquet qu'on peut se partager ? Zoé Boss, le standard est ouvert. Le standard est ouvert et à l'autre bout du 070-233-466, Marion Jomotte décroche vos appels et lit vos SMS au 3063 50 cents se peint par message. Ce matin, 3 débats dont c'est vous qui le dites. Un quadra en couple avec une ado de 16 ans, les chômeurs dans la ligne de mire de l'Open VLD et un congé de maternité à partager. Le débat, c'est vous qui le faites. Karim Fadoul, journaliste à la RTBF et Alexis Carantonis, journaliste à la dernière heure, s'installent autour de la table pour donner leur avis. Karim et Alexis, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, c'est donc l'affaire qui frappe la Flandre. Cet avocat à 41 ans dit vivre une histoire d'amour avec une jeune fille qui aujourd'hui a 16 ans, mais on apprend donc que la jeune fille attend un bébé et elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. D'abord sur le principe et puis on discute. Est-ce que ce monsieur a raison quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » Alexis ? Je ne sais pas s'il a raison ou tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décence, elle, elle a un âge. Et là, on est largement au-dessus. Indécent, avez-vous dit. Votre position, Karim, puis on discute. « L'amour n'a pas d'âge », dit-il. Je reprendrai, c'est le titre d'une, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le titre d'une chanson qui a environ 20 ans, de la chanteuse Aliyah, qui chantait cette chanson parce qu'elle entretenait à l'âge de 16 ans une relation avec son producteur R. Kelly qui était majeur, était quelque part pour justifier un petit peu cette relation-là. Je n'irai pas jusqu'à parler de décence, je dirais juste qu'aujourd'hui on a une conception de l'amour entre des personnes qui sont majeures et des personnes qui sont mineures qui est différent, totalement différent. Et très, très certainement critiquable par rapport à la conception qu'on avait à une certaine époque. Donc, au moment de la rencontre, il a 39 ans, Alexis, elle a 14 ans. Le temps passe, la relation continue, elle tombe enceinte. Est-ce que c'est la preuve qu'une histoire d'amour est en train de se forger? Ou vous restez calé sur cette différence d'âge? 39 ans, 14 ans, il y a 14 ans, même avec consentement, on ne peut pas avoir de relations sexuelles dans ce pays. Ah, on ne peut pas, la loi ne l'autorise pas, et on parle ici d'un homme de loi. Donc c'est d'autant moins excusable. Donc elle avait 14 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, directement, dès cet instant-là, le monsieur aurait dû mettre, l'avocat aurait dû mettre le holà. Il n'aurait pas dû donner la chance à cette relation de s'établir peut-être sur un amour sincère. Ici n'est pas le débat, je pense. Après voilà, 14 ans, 15 ans, elle tombe enceinte, c'est évidemment beaucoup trop tôt, et mettez-vous 30 secondes à la place des parents de cette gamine qui n'est pas encore une femme, qui est sans doute la victime de cette situation, et l'enfant qu'elle porte en elle le sera peut-être aussi. Non, je pense que c'est vraiment totalement indécent. Est-ce qu'on peut évoquer ce débat sur l'âge de la majorité sexuelle, Karim? Donc vous savez que l'âge de la majorité sexuelle est aujourd'hui de 16 ans, mais tout un mouvement voudrait abaisser cet âge à 14 ans, et c'est un des éléments utilisés notamment par l'avocat, par son entourage. Vous voyez bien que la société change, donc moi j'ai une relation avec une fille de 14 ans, mais ça correspond à une évolution des mœurs. Ça correspond à une évolution par rapport à une relation sexuelle entre deux personnes mineures du même âge. À partir du moment où on a affaire à un adulte et un ou une mineure, c'est totalement différent. La société a changé. Je vais peut-être rappeler juste deux éléments historiques, juste pour bien faire comprendre que effectivement, la société a changé. À la faveur du nouveau bouquin d'Anne Pinjot qui raconte ses échanges épistolaires avec François Mitterrand, on se souvient que François Mitterrand a entretenu une relation, il était majeur, avec une fille mineure qui avait 14-15 ans. À l'époque, c'était quelque chose, je dirais, de normal et d'établi. Aujourd'hui, c'est totalement différent. La femme n'a plus ce rôle de, je dirais, entre guillemets, d'objet sexuel et qui ne sert qu'à procréer. Aujourd'hui, une femme, c'est bien plus que cela. On s'en est enfin rendu compte. Et c'est quelque chose qui n'est plus admis. Ici, on a affaire, comme l'a dit Alexis, à quelqu'un qui est un homme de loi, qui sait donc très bien où sont les limites et où sont les interdits, et qui n'a pas été jusqu'à mettre un terme à cette relation au moment où il y avait encore moyen d'y mettre un terme. Est-ce que ça le sauve moralement? Parce que cet avocat a dit, en étant un jour relâché, donc il a fait un jour de prison, il était relâché, et il a dit que cela soit considéré comme un viol ne fait aucun doute. Donc il y a une forme de lucidité juridique. Est-ce que ça, pour vous, Alexis, ça le sauve sur le plan moral ou sur le plan judiciaire? Pas totalement, parce que finalement, il invoque un argument émotionnel. Et un avocat qui invoque un argument émotionnel, moi, ça m'inspire toujours de drôles de choses. Donc ici, je pense que voilà, c'est assez transparent qu'au regard de la loi, il est en défaut, donc il l'admet, c'est une stratégie comme une autre. Après, il invoque l'amour et le fait que l'amour n'est pas d'âge. Voilà, on interprétera comme on veut. Moi, je reste assez dérangé par ça. Par contre, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le milieu social est plutôt aisé. Ils sont rencontrés lors d'un stage d'équitation, voilà, dans des compétitions équestres. On parle d'un avocat, etc. Donc, ce ne sont pas des classes sociales défavorisées, et ça prouve bien que ce genre de problème touche tout le monde, et ça, c'est très intéressant. On demande un avis à SPA. Magda est en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Magda, c'est l'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce que ce monsieur a raison quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous avez connu cette différence d'âge en amour ? Oui, je l'ai connue avec le papa de mes enfants. J'avais 17 ans et demi à l'époque. Mais on a eu un petit garçon de 6 mois. Malheureusement, il est décédé, il va avoir 28 ans le 26 octobre, dont j'étais enceinte de ma fille. Vous aviez 17 ans et demi, mais lui avait quel âge ? Il avait 18 ans de plus, 36 ans. Il avait 36 ans. Maintenant, je vous amène aux âges qui nous occupent ici. Au moment de la rencontre, cet homme a 39 ans et elle 14. Est-ce que là, il fallait dire halte-là, ou l'amour est plus fort que le texte de loi ? Je pense que l'amour est plus fort que le texte de loi. Elle a 14 ans, et dans ce pays à 14 ans, même avec consentement, on ne peut pas avoir de relations sexuelles. Ça dépend. Moi, je dis oui. S'ils s'aiment, oui. L'âge d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, on a fort évolué au niveau des mœurs et tout ça. Donc, il y en a même qu'à 12 ans, ils ont déjà des rapports sexuels. Donc, en Chine, il y a une dame, une jeune fille qui a 12 ans, qui est enceinte, et son mari, il a 40 ans. Ah ben, la Chine, c'est pas le pays envers soi. Je vous demande, Magda, si quelque chose vous choque dans les éléments face à nous. Nous avons maintenant un homme de 41 ans qui est un avocat, il connaît le droit, et face à lui, une jeune fille de 16 ans qui est enceinte et qu'il veut épouser. Est-ce que quelque chose là-dedans vous met mal à l'aise ? Non, il n'y a rien du tout qui me met mal à l'aise et ça ne me choque absolument pas. Rien ne vous met mal à l'aise, pourtant la justice jette un œil sur cette relation. Magda, on verra si d'autres pensent comme vous tout à l'heure. Dernier élément, messieurs, autour de la table. Cet homme veut épouser la jeune fille. Ça le sauve aussi moralement. Il veut épouser la jeune fille, Karine. Ça le sauve à partir du moment où il y a un consentement de l'autre côté. Ah, elle dit oui. Mais en même temps, c'est une histoire particulièrement singulière qui a une réalité qui est celle de ce couple-là, mais également des parents de la jeune fille qui, jusqu'à preuve du contraire, est mineure et donc les responsables légaux restent les parents. C'est une preuve d'honnêteté de dire « je vais l'épouser » en plus. En tout cas, c'est une circonstance atténuante sur la thèse de l'amour de l'avocat. On peut croire à la sincérité de l'amour de ce couple, ça n'empêche qu'il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. Ah, il a redit thèse et stratégie tout au long de la conversation, Alexis. À vous de vous prononcer. L'affaire qui frappe la Flandre, un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison quand il dit que l'amour n'a pas d'âge? Dans un instant, le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Et vous, ça vous dérangerait? C'est le débat 2. Débat numéro 3. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle peut les partager avec le papa. Et puis 10h45, la question qui dérange. Etias a résilié l'assurance dommage corporel d'un homme qui est arrivé à 70 ans parce qu'il encourt plus de risques. À 70 ans, chez Etias, on vous vire alors. C'est normal? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez! Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Expert Literie, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, Beka, Latoflex. Expert Literie, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literie à Wavre, La Hulpe, Wautier-Brenne, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literie vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec vous. En fonction de vos appels, un débat s'impose tout à l'heure. Et Karim Fadoul, journaliste RTBF, avec Alexis Carantonis, journaliste La Dernière Heure. On sait donc que la négociation du budget coince, qu'il faut boucher ce fameux trou de 4,2 milliards. Et hier, le gouvernement, dit-on, aurait connu une nouvelle petite crise autour de l'envie de l'Open VLD. L'Open VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation et donc verrait bien une dégressivité des allocations de chômage qui est encore plus rapide. Donc vous savez que jusqu'ici, on fonctionne par période. Pendant un an, on est 10 ans à la grosse louche à 60% du salaire. Et puis à partir d'un an, ça va dégringoler jusqu'à un montant forfait. C'est une question de principe là aussi. Le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Karim, est-ce que ça vous dérange que quelqu'un vive toute sa vie avec une allocation? La question, c'est pas de savoir si ça me dérange. La question, c'est de savoir si on instaure une dégressivité du chômage et une dégressivité encore plus rude et plus dure et plus accrue, c'est si on atteint l'objectif qu'on se fixe à la base. L'objectif fixé à la base, c'est que de un, on puisse effectuer des économies sur les allocations sociales, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est qu'on puisse mettre des gens au travail. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore prouvé que la dégressivité du chômage ait permis à des gens au chômage de pouvoir retrouver un emploi, et un emploi stable. Ah bah alors si on décode la petite phrase de l'Open VLD qui ne se contente pas du système actuel, ça voudrait donc dire, Alexis, qu'avec le système actuel, la dégressivité d'aujourd'hui, on peut quand même tenir toute la vie comme ça, dans ce système-là. C'est ça qui dérange les libéraux flamands. Il me semble pourtant que depuis quelques années, on cherche à rendre l'accès au chômage plus compliqué et on cherche aussi, une fois qu'on y est, à à faire sortir les gens le plus vite possible de cette solution-là. Alors, je pense qu'il y a des efforts importants à faire dans la matière de, en matière de remettre les gens dans une situation de travailler, et c'est là-dessus qu'on devrait se pencher. Et non pas... En fait, cette préparation de budget, c'est un peu un mauvais film qu'on revit chaque année avec un scénario hyper téléphoné, hyper prévisible. C'est toujours pareil. Et c'est toujours sur les chômeurs qu'on porte la première estocade. Oui, c'est facile, certes, on peut aller encore plus loin. Bien sûr qu'un chômeur qui, toute sa vie, chôme et touche des allocations sans jamais être employé dans la vie active, c'est problématique. Bien sûr, on est d'accord c'est sur le principe. Oui, c'est problématique sur le principe. Bien sûr que c'est problématique. Mais la question, c'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour, plutôt que de sanctionner ceux qui sont sanctionner encore plus durement ceux qui sont au chômage, comment est-ce qu'on fait pour les remettre en situation de travailler? C'est ça la vraie question. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les malheureux d'ING, de Caterpillar, d'AXA et de tous les autres soient ravis d'entendre que le gouvernement s'embarque dans cette direction-là. Je vous sors la conversation sur le budget, sur effectivement une vie au chômage. Quand on n'a pas la formation nécessaire, quand on a fait des formations, mais qu'on n'a toujours pas trouvé et que de facto on passe sa vie au chômage, est-ce qu'on peut condamner ça, Karim ? C'est pas forcément une volonté, c'est l'aboutissement, c'est un état de fait. C'est pas une volonté, très certainement que des gens qui aujourd'hui vivent, ont vécu le drame, les drames Caterpillar, ING, Douwe, Bert, Saxa, tout ce que vous voulez, ces gens-là, à un moment donné, quand ils se retrouvent au chômage, c'est pas de gaieté de cœur et c'est pas un choix. La question centrale, c'est véritablement de pouvoir remettre ces gens au travail. Il se trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement nous propose des solutions où, une fois encore, on va s'attaquer aux classes les plus faibles, sans jamais nous proposer de solutions pour créer de l'emploi. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'a pu que constater les dégâts de la mondialisation avec ses fermetures à répétition. Et on ne parle pas de fermetures où on ne mettrait que, alors j'utilise le que, 100 personnes au chômage, ici on en met des milliers et des milliers, et c'est à la chaîne depuis cette rentrée. Voyons jusqu'où on pourrait aller. Donc si l'OpenVLD veut qu'on accélère la dégressivité des allocations, baisser le montant au bout de 6 mois. Alexis, au bout de 6 mois. C'est tôt. C'est tôt pour certains profils. On pense notamment aux personnes qui sont un petit peu plus âgées. Ça leur laisse, ça les met directement d'emblée dans une situation d'urgence. Ça leur laisse pas le temps de trouver un travail qui leur correspondrait dans un contexte où c'est de plus en plus difficile de trouver un travail qui nous correspondrait. Donc voilà, on peut discuter de tous les paramètres, on peut discuter du timing, etc. Moi, je pense que encore une fois, on tape sur les petits, certes, mais on tape surtout sur le clou de la facilité. M'étonnerait pas qu'on aille ensuite, qu'on embraye sur les accises, sur le tabac et sur l'alcool, alors qu'on s'est largement planté là-dessus. Donc voilà, ce manque d'inventivité est quand même particulièrement lassant. Sur les mesures concrètes, on discutera dans les prochaines 24 heures, puisque le budget devrait tomber tôt ou tard. Je vous rappelle que pour la dégressivité des allocations, il y a une première phase, c'est la première année, puis il y a une deuxième phase, c'est jusqu'à 36 mois avant d'arriver au forfait. On demande un avis au centre de Bruxelles. Louise, bonjour. Oui, bonjour. La négociation du budget coince et l'OpenVLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Est-ce que ça vous dérangerait, Louise, que quelqu'un vive toute sa vie avec une allocation ? Non, pas du tout, parce que j'estime qu'avec tout ce qui ferme, je trouve que c'est un peu normal qu'on ait ça en plus, parce que tout ferme et puis... on va trouver du boulot, quoi. Mais attendez, dire Louise, quand vous me dites ça ne me dérange pas que quelqu'un vive toute sa vie avec une allocation, ça veut dire que ça ne vous dérange pas que quelqu'un ne retrouve jamais un travail ou ne cherche jamais un travail. Mais écoutez, on donne des CV un peu partout, mais il n'y a pas... Ou bien il faut être sorti de l'école et on n'a pas d'expérience, ou bien il faut être bachelor. Et alors quand on a de l'expérience, c'est « Ah non, vous êtes trop vieux, vous êtes trop vieille ». Et on veut des jeunes, donc c'est un gros problème. Quel est votre profil, Louise ? Est-ce que vous cherchez un emploi ? Oui. Depuis combien de temps ? Maintenant, ça va faire plus de 2 ans, et alors on est quand même... je suis chef de famille, et bon, voilà, quoi, c'est un peu... Vous avez quel âge, Louise ? Pardon. Vous avez quel âge ? Dans la mouise, avec tous les... Louise, vous avez quel âge ? Pardon ? Vous avez quel âge, Louise ? Je suis dans la trentaine. Et vous voyez jusqu'au bout de la vie sous allocation ? Bah,

Troisième débat sur la table avec Karim, journaliste RTBF, avec Alexis La Dernière Heure et vous bien sûr. Voyons si ce débat-là s'impose dans la deuxième partie. L'idée de deux députés OpenVLD, décidément très à la manœuvre en ce moment, les libéraux flamands. Voilà le topo. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, eh bien elle peut reporter ses 5 semaines. Et là, l'idée est qu'elle donne une partie de son congé au papa. C'est ça la question. C'est mieux chacun son congé ou vous préférez un paquet qu'on partage? C'est mieux, Alexis, chacun son congé en matière de maternité-paternité ou c'est mieux un stock qu'on se partage? Qu'est-ce que vous préférez sur papier? Alors, à partir du moment où certains prérequis sont sauvegardés, comme par exemple ici le véritable congé maternité qui commence à partir de la naissance du bébé pour la maman. Mais 9 semaines, voilà, ça, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas et je trouve ça très bien. À partir du moment où on ne touche pas à ça, le fait qu'on puisse partager entre le papa et la maman, moi je trouve ça plutôt pas mal. Notamment pour un premier enfant. Pour un premier enfant, la maman peut avoir énormément, bien sûr l'enfant a besoin de son papa, mais la maman aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau pour le couple, pour la vie de famille, etc. Et en tout cas, dans ce cas-là, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, pour les autres enfants, pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas un piège là-dedans, Karim? Parce que moi, maman, j'avais 5 semaines que je pouvais reporter après. J'avais 5 semaines en plus de mes 9 semaines. Et là, donc, je vais devoir donner une partie au papa. Est-ce que je ne me fais pas arnaquer, moi, la maman? C'est pas je vais devoir, c'est pas une obligation. C'est une facultatif. C'est facultatif. Moi, à mon sens, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée à partir du moment où on tient une fois encore pas compte de l'importance de ce moment. Ce moment qui est celui de la maternité, celui de la naissance d'un enfant dans un couple. C'est très certainement le moment le plus important d'une vie. Et on ne donne pas, on n'accorde pas, je dirais, la période suffisante pour que les parents puissent encadrer cet enfant, pour qu'ils puissent trouver un équilibre. Ah ben la maman, elle a 9 semaines, plus 5 semaines. Le papa à côté n'a que 10 jours. Est-ce que le débat ne serait pas dans le rallongement de cette période de congé de paternité? Simplement, tout comme il serait peut-être aussi utile de pouvoir rallonger la période de congé de maternité. Dans les pays scandinaves, la période est particulièrement longue pour la maman au-delà de 70 semaines, ce qui est énorme. Et donc, c'est une période que l'on peut répartir à sa guise en fonction de... on peut utiliser, je sais pas moi, 10 semaines à l'accouchement, et puis un peu plus tard, etc. Et on est payé à 80%. Et ça permet de solidifier le couple, ça c'est une première chose, et ça permet aussi aux mamans de se dire « Ok, j'ai passé suffisamment de temps avec mon enfant, je veux désormais repartir au travail. » Et on se rend compte que dans les pays scandinaves, et notamment en Suède, que le taux d'emploi des femmes dépasse les 75%, c'est équivalent à celui des hommes. Alors en attendant, on va discuter dans le cadre qui est proposé par l'OpenVLD, ces fameuses 5 semaines, je les partage ou je ne les partage pas. Est-ce qu'on peut considérer, Alexis, que la femme va dans le fond y perdre? Oui, le papa va gagner sa place, oui, le papa pourrait être là. Mais la maman qui prenait ses 5 semaines, elle n'en aura peut-être plus que 2,5 parce qu'elle a donné le reste au papa. Est-ce qu'elle est perdante? C'est important de rappeler... Karim a dit fausse bonne idée. Donc je vous demande clairement si c'est elle perdante. Là. C'est important de rappeler qu'elle a le choix, déjà. Donc elle pourrait effectivement y perdre en timing, mais elle pourrait y gagner en qualité de vie, en confort, en gardant le papa présent à la maison. Par contre, je rejoins Karim sur un point. Peut-être qu'en fait, on tourne un peu autour du pot, là. C'est une manière de donner plus de temps à la maison avec l'enfant pour papa, mais... pas totalement en lui octroyant des jours en plus, en allant les chipper sur le compte de la mère, pour schématiser. Peut-être que finalement, la solution, ce serait d'élargir le congé de paternité. En tout cas, et je reviens là-dessus, ça, pour le premier enfant. Ils ne l'ont pas proposé. Effectivement, mais c'est peut-être là. Est-ce que c'est une manière de tâter le terrain, de voir si ça prend pour aller plus loin et donner plus de droits en tant que papa à l'homme? Je pense que c'est pas impossible. Déjà, un combat pour aller jusqu'à 10 jours, déjà. Donc, oui. Demandons 10 jours, c'est vraiment femme, peu. Messieurs, à Charleroi, une femme, Karima en ligne, bonjour. Bonjour. Donc l'idée de deux députés, si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle peut donner une partie au papa. Vous qui avez 2 enfants, Karima, c'est mieux chacun son congé ou vous acceptez un paquet qu'on partage? Non. Les congés de la maman, c'est réservé pour la maman parce qu'elle en a besoin. Elle a porté le bébé pendant 9 mois, peut-être qu'elle a eu d'autres soucis. Donc après l'accouchement, il faut récupérer. Et son enfant, il a besoin d'une maman en bonne santé. Oui, mais elle a quand même les 9 semaines, Karima. On ne touche pas aux 9 semaines après la naissance du bébé. On parle des 5 semaines que vous n'avez pas pris avant d'accoucher. Même avant, elle en aura besoin après. Et le rôle du papa, le malheureux n'a que 10 jours. Ce ne serait pas bien de donner au moins une semaine de ces 5 semaines à papa? Non. Les deux messieurs-là, députés, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas suivi l'actualité... ils n'ont qu'à donner des congés, mais indépendamment des congés de ceux de la maman. Il ne faut pas les grignoter dans les congés de la maman. Et la maman, elle a besoin de ces 5 semaines-là par principe ou pour des raisons médicales? Enfin, c'est complexe parce que pour moi, une maman, elle a toujours besoin de congés, plus de jours pour bien récupérer. Alors je retiens, Karima, que pour vous, les 5 semaines, on ne les partage pas. On verra si dans la conversation tout à l'heure, d'autres vous rejoignent. Messieurs, dernière chose autour de la table. S'il y a 5 semaines à partager, vous auriez aimé en avoir combien à l'époque, Karim, s'il y avait eu 5 semaines à partager? 3 semaines. 3 semaines, au minimum 3 semaines à un mois. Il aurait pris 3 semaines. Oui. Ok, Alexis. Moi, j'aurais, en tout cas, pour mon premier, j'aurais vraiment bien aimé avoir un mois. Tout à fait. Alexis Carantonis, Karim Fadoul. Bonne journée, messieurs. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. L'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » ? La négociation du budget coince. Le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Et vous, est-ce que ça vous dérangerait ? Et puis l'idée de 2 députés, si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle pourra donner une partie au papa. C'est mieux, chacun son congé ou vous acceptez un paquet de congés qu'on partage. 070-233-466 et par SMS au 3063. Allons à Érosé. Michel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Michel, l'avocat a 41 ans, il veut épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, l'amour n'a pas d'âge, vous lui donnez raison? Oui, je lui donne raison, sauf que moi, la différence avec lui, c'est qu'elle n'était pas mineure, mais moi j'étais veuf. J'avais 2 enfants adolescents, 2 filles, d'accord? Depuis 1993, j'étais veuf. En 2000, j'ai rencontré une fille qui avait 20 ans et qui en paraissait moins. Je ne voulais pas... Voilà, Et vous voilà, avez quel âge à ce moment-là? Et on a accepté... Moi, j'avais 35, donc j'avais 15 ans d'écart avec elle. Et on a accepté Nathan, que je viens de lui redéposer. Excuse-moi, je ne t'entends pas, mais... On vient de... Voilà, je viens de le déposer chez elle ce matin, et on s'entend bien, quoi, voilà. Michel, sauf que dans ce cas-ci, au moment de la rencontre, l'avocat, il a 39 ans, et la jeune fille, elle en a 14. 14. Non, je l'aurais pas fait. Mais je le comprends parce que la mienne, elle avait 20 ans, mais elle paraissait 16, quoi. Et pourquoi vous l'auriez pas fait à 14? Parce que lui, non seulement il l'a fait, 2 ans de relation, et à 15 ans, elle tombe enceinte. Pourquoi vous l'auriez pas fait? Uniquement à cause de la loi, mais je suis d'accord avec le fait que l'amour n'a pas d'âge. Ça, oui, je suis d'accord. Mais l'amour est au-dessus de la loi ou l'amour est en dessous de la loi? Ah, qu'est-ce qui décide de ça? Il faut bien ouvrir la société. À la société, elle dit que la loi est au-dessus de l'amour. Ben voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ce couple, aujourd'hui, voilà le topo, il a 41 ans et elle en a 16 et elle est enceinte. Ce couple, il faut lui dire stop? Non, moi je ne dirais pas stop, non. Mais parce que la justice a dit, pour l'instant, en attendant d'autres décisions judiciaires, la cour a imposé une absence stricte de contact et c'est là qu'on a appris rebondissement qu'elle était enceinte. Michel, vous ne l'auriez pas fait, vous? RTBF Mobile Info, Adrien. Ça ralentit au niveau de certains chantiers en Wallonie, vous perdez un petit peu de temps. Ça ralentit également toujours vers Bruxelles, sur le 40 venant de Liège. Comptez cette quinzaine de minutes supplémentaires à partir d'Everberg, une dizaine de minutes perdues à l'approche du ring venant de l'E411 depuis Jesus Lake. Sur le ring de la capitale, ça se décante, la tendance est à la baisse, pointant tout de même 2 tronçons encore assez retardés. Au titre Carrefour-Léonard, 25 minutes perdues et puis 15 à 20 minutes supplémentaires sur le tronçon entre Grand Bigard et Zaventem. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant à Enghien, Audrey viendra nous dire si on peut faire toute une vie sous allocation de chômage. Parce que les libéraux flamands, eux, ont dit non. Docs is style. Docs is wow. Docs is fun. Docs is miam miam. Génial. Cinéma. Docs is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Docs is lingerie. Docs is comme tu es belle. Delicious. Docs is men. Woman. Kids. Me. Docs Bruxelles is you. Dès le 20 octobre, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Docs Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur docsbruxelles.be. Carglass répare. Un éclat dans votre pare-brise? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar, Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Bonjour monsieur, bienvenue chez Volkswagen. Mais salut, dis, comment tu vas? Bien, merci monsieur, et vous-même? Bah écoute, ça va pas mal, il paraît que tu fais la Polo à prix d'un 1000 à 9 890 €. Oui. Ah bah je me suis dit, tiens, j'irais bien rendre visite à mon ami Thierry. C'est Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Et comment tu vas Jean-Pierre? Jusqu'au 27 octobre, conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 9 890 €, prix d'ami. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, la négociation du budget coince. Le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Et vous, est-ce que ça vous dérangerait à ce propos? À ce propos, j'ai eu Philippe de Hucle et il ne comprend pas vraiment l'expression « vivre avec une allocation familiale toute une vie ». Au bout de combien d'années on est cons de chômage, on est considéré comme un chômeur ad vitam aeternam. Il est au chômage, il a été mis au chômage à l'âge de 49 ans. Aujourd'hui, il a 56 ans et il est toujours en procès avec son employeur. C'est d'ailleurs pour ceci, pour cette raison précise, qu'il n'arrive pas à retrouver du travail dans son secteur. Alors, est-ce que lui, il devrait ne plus toucher chômage? C'est la question que se pose Philippe ce matin. C'est vous qui le dites, est à Enghien. Audrey, bonjour. Audrey, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. L'idée de deux députés. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle pourra donner une partie au papa. Vous, vous préférez chacun son congé ou vous acceptez l'idée d'un paquet qu'on partage? Dans mon cas, je préférerais quand même chacun ses congés. J'ai dû allaiter mon enfant, donc effectivement, j'ai pas encore eu assez pour pouvoir justement faire la transition entre l'allaitement et le biberon pour pouvoir la donner à la nourrice. Donc effectivement, si je devrais encore donner de mon temps au papa, ce serait un peu dur pour l'allaitement. On peut refaire votre ligne du temps pour savoir ce que vous aviez fait à l'époque. Donc avant d'accoucher, vous avez pris combien de temps, vous? J'ai travaillé jusqu'à la fin. Donc j'ai pu récupérer mes semaines aussi par après. Donc vous aviez 5 semaines à reporter et les 5 semaines se sont additionnées aux 9 semaines. Ce temps-là, 9 plus 5, c'était déjà trop court. Oui, j'ai même pris un mois de congé parental supplémentaire car justement, mon enfant ne voulait pas de biberon, ne voulait pas de lait artificiel. Donc c'était des grands pleurs et donc j'étais contente de pouvoir prendre ce temps supplémentaire en plus. Oui, mais ici, l'idée, elle pense au papa et notamment, dans les auteurs de l'idée, il y a Vincent Van Quickenborn qui est papa depuis 5 mois. Donc il sait bien que le papa, avec 10 jours de congé, il est un peu mis de côté, il est un peu juste. Ce petit partage des 5 semaines, ce ne serait pas plus équitable? Dans les cas où les mamans allaitent, je trouve vraiment que c'est très difficile. Par contre, je trouve que 10 jours, c'est pas assez. Car pour une maman qui a aussi plusieurs enfants, c'est bien que le papa puisse être à la maison pour pouvoir s'occuper justement des autres enfants, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Donc effectivement, 10 jours, c'est vraiment pas assez pour le papa. On aimerait partager nos jours avec eux, mais dans certains cas, c'est vraiment pas facile parce que on pense au bien-être de l'enfant. On n'arrête pas de nous dire que l'allaitement, c'est génial, qu'il faut le faire le plus longtemps possible. Imaginons que la loi passe, puisque j'entends que vous n'y êtes pas favorable, mais imaginons qu'elle passe et vous avez ce capital de 5 semaines, vous êtes libre de partager, vous êtes libre, c'est pas une obligation. Imaginons que la loi passe, vous donnez à monsieur ou vous donnez rien? Si dans le cas où j'allaite, non, mais effectivement, si j'ai un autre enfant qui n'accepte pas l'allaitement ou je peux lui donner un biberon sans difficulté, effectivement, je pense que le papa peut facilement reprendre combien de temps vis-à-vis de la maman. Combien? Donc vous partagez combien si vous allaitez pas? Tout dépend en fait des besoins de l'enfant. D'abord, je pense qu'il faut d'abord voir les besoins de l'enfant. Si maintenant je vois que le papa peut très bien faire les mêmes tâches que moi, bah, pourquoi pas partager ? Alors je retiens que c'est ça qui doit être déclencheur ou pas, c'est allaitement ou pas et besoin de l'enfant ou pas. Il n'y a que ça qui peut déterminer. L'envie de papa ne passe pas au-dessus, si j'ai bien compris. On ira peut-être plus loin dans la conversation tout à l'heure. Audrey depuis Enghien. Rochefort nous appelle. Angélique, bonjour. Bonjour. Et donc la négociation du budget coince, le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Vous, ça vous dérangerait qu'on vive toute sa vie avec une allocation ? Oui, bien sûr, oui, parce que pour moi, c'est pas logique, en fait. Donc, qu'est-ce qui n'est pas logique voilà, si on ne trouve pas d'emploi, pardon ? Qu'est-ce qui n'est pas logique ? Ben, ne pas trouver d'emploi sur toute une vie, je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il y a toujours moyen de trouver. Quand on veut, je pense qu'on peut. Donc voilà le topo, Angélique. Vous dites comme l'OpenVLD, je ne veux pas qu'un chômeur fasse toute sa vie avec une allocation. Donc, vous êtes favorable à ce qu'on accélère la dégressivité des allocations. Oui, oui, oui, oui. Mais plus rapidement que maintenant. Oui, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup d'abus et que, voilà, je pense que maintenant, celui qui veut vraiment travailler, il trouvera un boulot, peu importe, même si c'est pas dans son domaine, s'il doit se reconvertir dans autre chose, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un emploi. Disons, c'est très à la grosse louche, hein, Angélique, c'est très à la grosse louche parce que le système est complexe. Mais dans la première année, aujourd'hui, quand on est au chômage, on a 60% de son salaire. Vous voulez qu'on ait moins, plus vite que ça ? Ben, 60% de son salaire, non, pour la première année, ça va. Mais il ne faudrait pas faire carrière en étant sur le chômage. Donc c'est après. Ça, c'est pas... après que vous voulez une dégressivité plus rapide. Donc dans la deuxième phase. Première phase, c'est l'année 1. Et puis on entre dans la deuxième phase qui peut se prolonger jusqu'à 36 mois. Angélique, raccord et plutôt d'accord avec l'OpenVLD. On va dans un instant à Fosses-la-Ville. Jessica, qui est maman de deux enfants, viendra nous dire si un avocat de 41 ans peut faire un bébé à une jeune fille de 16 ans. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Salut, c'est Hip. Faites de fantastiques économies grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Achetez deux livres, CD ou DVD et recevez, bam, le troisième gratuit. Faites vite, vous n'avez que jusqu'à demain pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la Lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un budget. Un projet. Profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Info, verandaconfort.be. Les pépinières Saint-Jean. Mais oui, à Wons, la plus grande pépinière en région wallonne. Ah, les spécialistes des gros sujets, des plantes exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le meilleur moment pour visiter la pépinière. Les couleurs d'automne sont tout simplement magnifiques. Il paraît qu'ils réalisent le jardin de A à Z et des plantations par leurs soins avec garantie de reprise. Super, on y court. C'est évident. Les pépinières Saint-Jean. Ouvert 7 jours sur 7. Info sur pépinière-saint-jean.be. Viva, viva, viva, viva, viva, cité. 0 70 233 466 sur la table, Zoé. L'idée de deux députés. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle pourra donner une partie au papa. C'est mieux, chacun son congé, ou vous acceptez un paquet qu'on peut partager à ce propos. Et à ce propos, j'ai eu Céline de Stavelot. Elle est maman de 2 enfants, d'une petite fille de 10 ans et d'un petit garçon de 7 ans. Elle serait prête à partager ses 5 semaines de congé prénatal avec son mari. Pendant ses 2 grossesses, c'était un vrai regret que son époux ne puisse pas vivre des instants forts avec leur progéniture. De son côté, Céline avait clairement envie de reprendre le travail et n'en pouvait plus de rester à la maison. Alors déléguer la maternité, partager l'instant maternel, c'est essentiel pour Céline. 0 70 233 466, Fosse-la-Ville. Jessica, bonjour. Bonjour. Et donc c'est l'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui a tant de lui un bébé. Est-ce que ce monsieur a raison quand il dit l'amour n'a pas d'âge ? Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que pour moi ça, c'est incestueux à cet âge-là d'avoir un enfant avec une gamine. En fait, ce n'est qu'un enfant qui est un enfant. Mais alors voici ce que répond l'entourage. Ok, la majorité sexuelle est à 16 ans dans ce pays. Quand on s'est rencontrés, elle en avait 14. Mais il y a eu tout un débat pour abaisser la majorité sexuelle à 14 ans. Donc ça veut bien dire que je m'inscris dans l'ère du temps. Mais je pense que les jeunes ont des relations sexuelles de plus en plus jeunes. Et ça, ça ne me dérange pas. Mais à partir du moment où c'est avec un homme, là ça me pose un souci. Moi je pense que c'est limite de la pédophilie. Mais ici, le fait que la relation ait duré 2 ans, ça ne donne pas raison à ce monsieur sur la vraie nature de ses sentiments ? Non, je ne pense pas que ses sentiments soient sincères. Je pense simplement qu'il se réjouit d'avoir une jeune femme dans son lit. Ok, les autres éléments. Cet homme dit « je sais, au regard de la loi, c'est considéré comme un viol, je le sais ». Donc il a une forme de conscience de « mais l'amour est plus fort ». Ça, ça valide pas un peu son histoire d'amour ? Non, je ne suis pas d'accord. On peut pas. Pour moi, c'est comme si ce serait un homme qui a un enfant avec un enfant. Donc non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Attendez, troisième élément. Voilà qu'on apprend maintenant que cette jeune fille tombe enceinte, attend un bébé, et il dit « je veux l'épouser, on va se marier, ils sont tous les deux d'accord ». Ça, ça ne prouve pas du bien fondé ? Pour moi, ça reste de l'inceste. C'est pas normal qu'un homme ait un enfant avec un enfant. Cette jeune fille, il faut lui dire quoi ? Il faut lui dire « fouille », mais elle ne fouille pas. Il faut lui dire « fouille ». Lui dire « fouille », ben oui, il faut lui dire de fuir. Je pense que ses parents doivent la raisonner et lui faire comprendre que ce n'est pas normal à son âge d'avoir un enfant avec un homme. Donc pour vous, l'amour a un âge. On ne sort pas avec quelqu'un qui a 25 ans de plus ? Non. À tous les âges ou uniquement à cet âge-là ? Non, ça je pense pas. Peut-être que quand on est majeur, tous les deux, ça peut peut-être changer la donne, mais pas à partir du moment où on est un mineur ou on est encore un enfant. Un dernier élément, Jessica, maintenant, cette jeune fille a la majorité sexuelle puisqu'elle a 16 ans. Ça change tout, ça change rien pour vous ? Ça change rien. Ça change rien du tout, c'est incestueux, m'avez-vous dit, et je l'ai souligné sur mon petit document. Nous allons maintenant chez Laurence. Vous êtes où en Belgique ce matin ? Je suis à Brève. Bienvenue. Vous souhaitez aller plus loin sur la négociation du budget qui coince. L'Open VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Est-ce que vous, ça vous dérangerait que quelqu'un vive toute sa vie avec une alloc de chômage ? Oui, ça me dérange. Ça me dérangerait vraiment, vraiment absolument, étant donné que moi, je suis chercheuse d'emploi. Depuis combien de temps ? Depuis plus de 2 ans. Et vous avez aujourd'hui quel âge ? 47 ans. Mais quand on ne trouve pas, parce que j'entends que vous avez encore l'ambition donc de trouver, mais quand à votre âge, on ne trouve pas, et que la vie forcément vous plonge dans une allocation de chômage jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, je voudrais bien que vous me le disiez, parce que moi je ne sais pas, je suis complètement, de toute manière, c'est un type de vie qui ne me convient absolument pas. J'ai travaillé toute ma vie jusqu'à ce qu'il y a 2 ans en tant qu'indépendante. Je ne vous dis pas ce que j'ai dû faire comme démarche pour retrouver mes droits. Nos droits fondamentaux propres à chacun. Je suis le raisonnement, puisque vous validez l'idée de l'Open VLD qui ne veut pas que quelqu'un fasse toute sa vie sous allocation. Mais l'Open VLD, il dit alors, on n'a qu'à encore raccourcir les délais et la dégressivité des allocations n'a qu'à démarrer plus vite, plus tôt, plus fort. Ça vous aidera à retrouver un travail, ça ? Non, ce n'est pas possible. Pourtant, eux, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ça l'idée. Mais... Si je diminue plus vite le montant, tu vas voir qu'ils retravailleront plus vite. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que du travail, ben écoutez, pour moi, selon moi, avec mon expérience personnelle, je n'en trouve pas. C'est vraiment en vain. Donc l'allocation dégressivité plus rapide n'y changera rien. Jessica, alors nous voilà dans un nœud. Laurence, bref, nous voilà dans un nœud. Nous voilà dans un nœud, vous avez 47 ans depuis 2 ans, demandeuse d'emploi. Allons à Braine-l'Alleud maintenant. Jacqueline en ligne, bonjour. Oui, bonjour. C'est l'idée de 2 députés. Si la maman prend pas les 5 semaines avant d'accoucher, elle peut donner une partie au papa. Vous aimez l'idée d'un paquet qu'on partage ou vous préférez chacun son congé? Chacun son congé. Pas un paquet qu'on partage. Chacun un son peu congé. Pour la mère. Le père n'a pas besoin d'avoir un congé. Je trouve que c'est inutile, quoi. Eh ben, le père, il a envie d'être avec son bébé aussi. Et il a que 10 malheureux jours. Non, moi je trouve que c'est pas fait pour un homme, quoi. La femme accouche, c'est elle qui a porté le bébé pendant 9 mois. Et je trouve que c'est elle qui a le droit à avoir le congé, pas le père. Oui, mais elle a le droit à ses 9 semaines. Sa personne y touche aux 9 semaines. Mais il y a juste 5 semaines qu'on peut reporter. Les 5 semaines, c'est grave de donner une semaine ou 10 jours au papa en plus? Non, oui, je trouve. Je trouve, c'est 10 tout. Jours. 10 jours. Non. 8 jours. Ça fait des années. Que le père n'a jamais rien eu et la mère s'est bien portée, quoi. Hein. Je vois cinq pas jours. Pourquoi le père. 5 jours. Je vois pas pourquoi le père doit avoir. 4 jours. 10 jours de congé. Non, 4 jours non plus. Alors, Jacqueline, vous me dites non, pas de report, c'est chacun son congé, point. Quelle conversation s'imposera? On se retrouve après les infos. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que la dernière tendance smartphone à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Vous écoutez Viva, il est 10h. Flash, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Écoutez, posez des questions et rangez les armes. Depuis plus d'une heure, les syndicats et la direction de la banque ING sont autour de la table. Première réunion de la phase d'information de la procédure Renault depuis l'annonce de la suppression de plus de 3000 postes. Les syndicats attendent des explications et ils vont pouvoir poser toutes leurs questions avant d'entamer les négociations d'ici quelques semaines. Le temps presse, il faut qu'il soit bouclé dès demain. Le budget fédéral, le gouvernement s'est quitté sans accord vers 6h ce matin. Les ministres s'octroient pour le moment quelques heures de repos avant de reprendre le travail d'ici 1h, car il resterait encore 3 milliards d'euros à trouver. Pour y arriver, différentes pistes sur la table. Une plus grande dégressivité des allocations de chômage ou encore le non-remboursement de certains médicaments. La chasse à l'homme a pris fin ce matin en Allemagne. La police a mis la main sur le jeune Syrien recherché depuis samedi. Il est soupçonné de préparer un attentat. Des charges explosives importantes ont d'ailleurs été retrouvées à son domicile. Un complice présumé était déjà sous les verrous depuis ce week-end. Pas de poignée de main entre Hillary Clinton et Donald Trump cette nuit aux États-Unis. Le ton du deuxième débat pour la Maison-Blanche était donné, beaucoup moins courtois que le premier. Les discussions étaient houleuses, concentrées sur des attaques personnelles. Selon les premiers sondages, c'est Hillary Clinton qui en sort gagnante, mais Donald Trump s'en est pas mal sorti. Il a surtout rassuré sa base sans avoir conquis les indécis. Sortez les drapeaux noirs, jaunes, rouges. Les Diables Rouges jouent ce soir à Gibraltar, la 205e et dernière nation du classement mondial. Troisième match qualificatif pour le mondial de football 2018. Un match qui devrait être facile, mais l'entraîneur Roberto Martinez a insisté, il se méfie des outsiders. Le coup d'envoi du match est à 20h45 et il est à suivre forcément sur les médias de la RTBF. Toujours un peu plus proche du top mondial, David Goffin gagne 2 places au classement ATP. Le joueur de tennis est à présent 12e, même si le Belge a perdu sa finale au Japon hier. Et enfin, un énorme merci, 5 552 026 euros. C'est le montant des dons pour COPCAP 48. Le record est donc battu, plus que battu. Cette somme sera divisée entre différents projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. La météo, un ciel chargé aujourd'hui, pas mal de nuages et d'averses ce matin. Toutefois, il fera plus sec, mais aussi plus froid sur l'est et le sud du pays. Pour les températures, elles seront comprises entre 9 et 14 degrés. Et on part tout de suite sur les routes, on fait le point RTBF Mobile Info. Allez. Ça roule mieux d'une manière générale, ça reste assez dense pour rejoindre Bruxelles via le 40 venant de Liège depuis Everberg et sur le 411 venant de Namur à partir de Jesus Eik. Mais la tendance est à la baisse également sur le ring de Bruxelles. On conserve un retard maximum d'une vingtaine de minutes sur ce ring, c'est sur le tronçon entre Hautitre et le carrefour Léonard. Pas mal de tunnels bruxellois encore encombrés en cette fin de matinée. Et puis cet objet qui encombre le 40 Aix-la-Chapelle, Bruxelles, ce sont des profilés en aluminium, donc c'est assez dangereux, qui se trouvent à hauteur des Haussards, passage donc difficile à hauteur du kilomètre 94, c'est en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h et un peu plus de 4 minutes, c'est reparti pour la deuxième partie de C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites est là et Yasmina et la rédac reviennent à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Etias a résilié l'assurance dommage corporel d'André François, qui pour la petite histoire est un ancien présentateur de la RTBF. On a résilié son assurance dommage corporel parce qu'il est arrivé à l'âge de 70 ans. La question qui dérange est la suivante. À 70 ans, chez Etias, on vous vire alors. Donc voilà le topo. André François reçoit la semaine dernière un recommandé d'Etias qui lui annonce, après 45 ans de cotisation, qui lui annonce la fin de son assurance dommages corporels. Et le courrier évoque une probable augmentation des accidents corporels dans les années à venir, forcément vu son âge. Et donc là, dans le courrier, on lit que c'est la rigoureuse gestion du portefeuille de l'entreprise. Nous espérons, monsieur, qu'à défaut d'avaliser le raisonnement, au moins vous pourrez le percevoir. Traduction en français dans le texte, vous allez coûter trop cher, donc on résilie. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais au moins comprenez notre raisonnement. On gère le portefeuille d'Etias ici. Vous cherchez dans ce dossier, Mélanie Joris, le bon interlocuteur. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, ben on va évidemment tenter d'avoir des explications auprès d'Etias. Si l'assureur ne veut pas s'exprimer, on pourra aussi aller voir du côté d'Assuralia, hein, l'Union professionnelle des assurances. Et finalement, on pourra aussi tenter de parler avec André François. Résilier l'assurance de quelqu'un qui arrive à 70 ans parce que ça devient trop dangereux, vous avez un éclairage en la matière. Aidez-nous à construire la conversation de tout à l'heure en laissant un éclairage à Zoé au standard. Et le problème pour Claudia de votre réponse, c'est que c'est de la discrimination. À 76 ans, elle a voulu assurer sa voiture chez Fortis et l'assurance lui a répondu un non clair et net. Pour elle, c'est de la discrimination. Etias a résilié l'assurance dommage corporel d'André François, qui pour la petite histoire est un ancien présentateur de la RTBF, parce qu'il est arrivé à l'âge de 70 ans. À 70 ans, chez Etias, on vous vire alors. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord, l'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison quand il dit que l'amour n'a pas d'âge? Ensuite, la négociation du budget qui coince. Le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Et vous, ça vous dérangerait? Et puis l'idée de 2 députés. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle pourra donner une partie au papa. C'est mieux, chacun son congé, ou vous acceptez un paquet de congés qu'on partage entre papa et maman. 3 débats, Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette histoire d'amour. En Flandre, un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend un bébé de lui. Est-ce qu'il a raison quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. C'est l'histoire d'amour qui dérange et l'avocat devra d'ailleurs s'en expliquer devant le tribunal demain. Il y a 2 ans, donc, cet homme a rencontré la jeune fille dans le milieu de l'équitation. Ils ont tous les deux entamé une relation. Au moment de la rencontre, il a 39 ans. Elle en a 14. 2 ans plus tard, l'affaire se retrouve en justice, arrêtée puis relâchée. L'avocat anversois a eu ces mots.

Ben, tout à fait. Et déjà, on ne le voit plus. Hein. Donc l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge pour moi. Eh bien, dans ce cas-ci, au moment de la rencontre, on va prendre tous les éléments. Le monsieur a 39 ans, elle en a 14. L'amour n'a pas d'âge, Michel. Pour moi, oui. Donc vous acceptez qu'un homme de 39 ans aille vers une jeune femme de 14? Ah ben oui, l'amour n'a pas d'âge. Vous m'avez dit oui, l'amour n'a pas d'âge. Oui, pour moi, il n'y a pas de problème. J'en suis sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Sauf que, Michel, après je vous donne un texte de loi, la majorité sexuelle ici, elle est à 16 ans. Et donc un mineur de 14 ans n'a pas la majorité sexuelle. Et quand bien même il l'aurait, il y a encore polémique. Ben, moi, je pense qu'ils sont sincères et puis je crois à leur amour. C'est l'amour dans tout ça qui compte. Qu'est-ce qui prouve la sincérité dans ce dossier? Que ça ait duré 2 ans? Oui. Oui, et en plus, le monsieur prend toutes ses responsabilités. Il pouvait fuir. Hein? Ah, ça, c'est la preuve de l'amour. Oui, je pense que c'est de l'amour et il est sincère. Qu'elle tombe enceinte à l'âge de 15 ans, c'est là aussi la preuve de l'amour? Enceinte, je ne dirais pas que c'est la preuve de l'amour, mais je pense qu'ils ont réfléchi. C'est pas... Ils ont bien réfléchi. C'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on peut avoir 15 ans et être mature et responsable de ses actes. Michel, je vous sens très sincère par rapport à l'histoire d'amour, mais tout à l'heure, Jessica Fosse-Laville m'a dit « c'est incestueux, c'est limite pédophile ». Elle m'a dit ça. Non, moi je ne dirais pas ça. Je pense qu'ils sont sincères. Donc il ne faut pas dire stop à ce couple? Pas du tout. Mais au contraire, il faut les encourager. La justice n'a pas encouragé. La justice a dit interdiction stricte de contact. Oui, ben, écoutez, l'amour, c'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Qu'est-ce qui est au-dessus? L'amour est au-dessus de la loi ou la loi est au-dessus de l'amour? Quand l'amour est sincère, je pense qu'il est au-dessus de la loi. Quand l'amour est sincère, et la preuve de la sincérité dans ce dossier, c'est le délai. 2 ans et le fait qu'il assume sa responsabilité. Ces deux éléments-là, Michel, sont notés. 070-233-466 à Virton. Claude, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui avez une fille de 14 ans, qui connaissez donc bien ce moment de la vie. Il a 41 ans, elle en a 16. C'est de l'amour sincère, a dit Michel. Du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est honteux des choses comme ça. Vu déjà que c'est un avocat qui connaît déjà très bien les lois. Enfin, je suppose. Et non. Moi, je suis contre pour cette union. Ce qui vous choque là-dedans, c'est qu'il soit avocat et qu'il ait fait semblant de rien sur la majorité sexuelle? Ben, surtout l'âge de la petite, là, c'est 14 ans, c'est maintenant peut-être 16, mais c'est un âge irresponsable. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Mais il y a eu ce débat, Claude, donc l'avocat, il se réfugie derrière ça aussi. On a voulu, en Belgique, l'an dernier encore, il y a eu ce débat, abaisser la majorité sexuelle à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire à l'âge de votre fille. Non, moi je suis contre ça. Cette loi-là, ça ne va pas. C'est 16 ans, c'est déjà tout juste. Pourquoi vous ne reconnaissez pas un peu de sincérité ou au moins de clairvoyance à ce monsieur qui a dit « c'est vrai, j'admets, ça peut être considéré comme un viol, ça fait aucun doute, ça c'est la loi, mais il y a l'amour qui n'a pas d'âge ». Non, pas à 14 ans. L'amour n'a pas d'âge, mais pas quand on a 18 ans et que la personne a 30 ans, peut-être comme ça, mais pas des enfants de 14 ans, et des, voilà, ça ne sont que des enfants encore à 14 ans. Alors je voudrais vous entendre sur les âges. À 15 ans, elle tombe enceinte. Qu'en dites-vous, Claude? Débauche de mineur. C'est encore débauche de mineur, moi je trouve. Oui, mais à nouveau, Michel a dit que 2 ans et un homme qui prend ses responsabilités, il n'a pas fui devant l'échographie. Il est toujours là et il veut l'épouser. Ce n'est pas une preuve de quelque chose, l'épouser? Non, Benjamin, je suis désolé. Je suis toujours contre cet âge-là, même à 15 ans, être enceinte déjà. Non. On ne peut pas trouver position aussi écartée que la vôtre et celle de Michel. Hein. Michel Asseneff m'a dit un amour sincère à encourager. Claude, vous m'avez dit 1000 fois non. Allons voir si Chimay départage tout ça. Jean-Luc en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. D'abord sur la phrase. Est-ce qu'il a raison, cet avocat, quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » Oui, l'amour respectueux n'a pas d'âge. Et vous, c'est quoi vos âges d'amour? Vous avez quel âge et elle a quel âge? Ma copine a 20 ans, moi j'ai 60 ans. Vous 60 et elle 20? Oui. Cette différence d'âge, vous la vivez très très fort dans votre couple ou vous la vivez pas jamais? Elle vous tracasse même pas? Au début de notre relation, ça me tracassait énormément parce que principalement vivre pour le regard des autres, le regard de la famille et tout ça, quoi. Ça me tracassait. Et puis nous avons discuté ensemble. Bon, elle m'a expliqué qu'elle était bien avec moi, que j'étais bien avec elle, et nous avons mis nos deux misères ensemble, quoi. Voilà. Jean-Luc, vous avez rencontré cette jeune femme à quel âge? Moi j'avais 58 ans et elle 18 ans. 58, 18. À 18, on a la majorité sexuelle depuis 2 ans. Dans le dossier qui nous occupe, l'homme a 39 ans quand il rencontre la belle de 14. Quel est votre regard là-dessus? 14 ans, non, faut rester logique. Hein. Donc moi j'ai connu qu'elle avait un mois avant ses 18 ans, j'ai attendu qu'elle ait ses 18 ans pour pouvoir lui parler avec elle et lui expliquer ce que je ressentais pour elle. Quoi. Voilà. Ah donc vous avez attendu la majorité? Oui, la majorité, parce que, je veux dire, faut rester logique. Il y a la loi qui est là, l'amour est là, je suis d'accord avec vous. L'amour prime sur tout. Mais bon, la loi, elle est là, il faut la respecter. Ah ouais, ben là, vous avez un avocat qui vous dit, enfin, qui nous a dit publiquement, parce qu'il a été donc arrêté, entendu, relâché, et il a dit aux journalistes, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'amour n'a pas d'âge, et donc cet homme invoque l'amour. Oui, c'est vrai que l'amour n'a pas d'âge, mais il y a certaines limites. Par exemple, dans une autre vie, moi j'appelle ça une autre vie, je me suis marié quand j'avais 18 ans et demi, et mon ex-épouse avait 15 ans. Et voilà, ça c'est dans une autre vie. Et nous avons été mariés 40 ans. Vous me dites qu'ici on a franchi la limite. Alors je passe le début de l'histoire de ces deux tourtereaux pour en arriver au fait d'aujourd'hui. Elle a 16 ans, majorité sexuelle donc. Elle est enceinte, mais elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Et il veut l'épouser. Qu'en dites-vous? Oui. Eh bien, moi je dis que c'est très bien parce qu'au moins il va pouvoir vivre publiquement son réel amour. Ah donc ça c'est bien. La rencontre elle est pas bien, mais maintenant vous validez leur histoire. Oui. Elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Ben oui, d'accord avec vous, mais je veux dire, bon, l'accident est arrivé, bon, maintenant les faits sont là, ils vont vivre ensemble. Ah, accident, je sais pas, ça c'est un point d'interrogation. On peut assumer le regard des autres quand à 41 ans on sort avec une fille de 16 ans? Oui, moi, on peut assumer parce que moi j'assume. Et vous, il vous a fallu combien de temps au total pour assumer donc le regard des autres, vous 60, elle 20, combien de temps il vous a fallu? Il m'a fallu à peu près 6 mois, surtout le regard de la famille et des amis. Parce que là, tout le monde s'est éloigné. Hein. Vous savez, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un vieux monsieur, une jeune dame, ils voient l'amour physique, mais à autre chose que l'amour physique. Hein. C'est quoi, c'est l'amour intellectuel? C'est une compagne, c'est une présence, c'est pouvoir lui venir en aide, parce que bon, elle provenait d'un milieu défavorisé, lui venir en aide, pouvoir lui faire reprendre des études et tout ça. C'était ça, bon, dans l'amour, il y avait ça aussi. Voilà. Ok, présence, aide, études dans votre relation, vous la rencontrez à l'âge de 58 ans, elle a à ce moment-là 18 ans. Jean-Luc, sur l'affaire qui nous occupe, vous avez deux regards. Rencontrée à 14, ça va pas, mais enceinte à 16, ça c'est de l'amour. Dans un instant, au 070-233-466, nous irons à Neder Overembeek. Et Jenny viendra se projeter dans cette histoire. Est-ce qu'elle la valide? Alors, père, on va chez Tante Nicole, et un père, on va au ciné. Question prise de décision, t'es pas encore au point, mon amour. Bah écoute, si t'as une meilleure idée pour décider de ce qu'on fait le 16 octobre, je suis preneur. Oui, j'ai une idée, ID Châssis. Le dimanche 16 octobre, venez profiter de nos conditions spéciales journée porte ouverte chez ID Châssis à Jean-Blou. idchassis.be. Les pépinières Saint-Jean? Mais oui, à Vonze, la plus grande pépinière en région wallonne. Ah, les spécialistes des gros sujets, des plantes exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le meilleur moment pour visiter la pépinière. Les couleurs d'automne sont tout simplement magnifiques. Il paraît qu'ils réalisent le jardin de A à Z et des plantations par leurs soins avec garantie de reprise. Super, on y court. C'est évident. Les pépinières Saint-Jean. Ouvert 7 jours sur 7. Info sur pépinière-saint-jean.be. En Belgique, on peut être fier. Fier de nos bières. Fier de notre bon chocolat. Fier de nos frites. Andalous ou samouraï ? Mais surtout, fier de notre électricité verte produite en Belgique. Optez pour le 100% belge, 100% vert, avec le tarif fixe Big Green de Luminus. Et découvrez comment, ensemble, nous allons rendre la Belgique fière d'être plus verte sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Et au 070-233-466, l'amour n'a pas d'âge. Zoé, vous êtes régulièrement, depuis 20 minutes maintenant, confrontée à des couples dont l'âge est très écarté et très différent. Hein. Oui, des couples qui ont des différences d'âge très écartées. Et ce qui pose problème, souvent, c'est le regard des autres. J'ai eu Françoise Desgueuzet. Elle me le dit, l'amour n'a pas d'âge. Elle avait 13 ans et demi quand elle s'est mise avec son conjoint de 23 ans. À 16 ans, elle est tombée enceinte et son unique problème, c'était qu'on pensait souvent que son fils était son frère. Il y a eu Bernard de Castillon, il a 75 ans et son épouse en a 40. Ils ont une fille de 12 ans. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils ont la même vie que n'importe quelle famille. Le problème pour Bernard, ce sont les autres. Exemple, quand il achète des vêtements à sa fille, les vendeuses font souvent des remarques. Il est gentil, ton grand-père, de t'acheter autant de vêtements. Leur regard change automatiquement quand Bernard dit qu'il est le papa. Année d'or over and back. C'est vous qui le dites. Jenny, bonjour. Bonjour Benjamin. En 1975, vous avez 14 ans et vous tombez enceinte. Quel âge a le papa ? 29. Il y a une différence d'âge. Vous étiez amoureuse ? C'était ma première rencontre. Ça s'est passé même pas dans un lieu fermé, ça s'est passé même à la rue. Donc je suis tombée enceinte. On a continué à se voir quelques temps. Quand il s'est rendu compte que je suis tombée enceinte, moi, je n'ai rien dit à mes parents. Lui, par contre, quand c'était officiel, il a proposé le mariage pour éviter la prison parce que mes parents n'ont pas porté plainte, mais c'est l'État qui, d'office, devait le condamner parce que, bon, voilà. Il y avait. Donc, il ne voulait pas vraiment vous épouser. C'était pour sauver un peu les apparences. Non, c'était surtout pour éviter la prison. Il a quand même été condamné à 4 ans de prison. Vous êtes resté combien de temps avec ce monsieur ? Non, mon fils avait 3 mois. Je ne l'ai plus vu, mais il a continué à voir son enfant jusqu'à sa mort. Épisodiquement, ce n'était pas une relation. Il connaissait son père. Bon, voilà, il allait de temps en temps un week-end là-bas. Alors, Jenny, j'ai besoin de votre rapport. Parce que vous avez à ce moment-là 14 ans, lui a 29 ans. Dans le dossier qui nous occupe, elle a 14 ans, mais lui a 39 ans. Est-ce que c'est un gros écart ou c'est pas un gros écart ? Pour moi, c'est un gros écart. Pour moi, il a profité de la naïveté de l'enfant. Et étant avocat lui-même, il connaissait très bien les lois. Donc, pour moi, il veut échapper aussi aux lois en demandant le mariage. Mais donc, vous parlez d'un enfant ? Oui, mais pour moi, s'il avait attendu, par respect pour l'enfant, s'il aime la fille, il attend que la fille a 18 ans, il la demande en mariage et il lui fait un enfant après. Donc il doit attendre 4 ans. Il doit attendre 4 ans. 4 fois 365 jours. De toute façon, pour lui faire un enfant, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un enfant exprès pour justement... Mais alors, celui de 29, à l'époque avec vous, il a abusé de vous aussi. Alors vous étiez aussi une enfant à l'époque. Oui, tout à fait. Il a abusé de ma naïveté, tout à fait. Et vous en êtes rendu compte au bout de combien d'années de vie ? Oh, quand mon fils avait... quand j'ai eu mes autres enfants. C'est vrai que si je n'avais pas eu cet enfant-là, ma vie aurait été tout autre. Et moi, je pense à cette gamine qui a maintenant 16 ans, qui va être maman. Et mais il ne fouille pas. Vous n'êtes pas admiratif de cet homme qui, au lieu de fuir, non. Dit à la justice, d'accord, au sens de la loi, c'est un viol, j'assume. J'assume, non. Mais l'amour n'a pas d'âge et je reste pour le bébé. Non, pour moi, c'est... Non, il a abusé de l'enfant. Pour moi, c'est aussi presque de la pédophilie, parce qu'à 14 ans, une enfant n'est pas mûre pour entretenir une relation avec un homme de cet âge-là, de 39 ans. Vous savez qu'on avait encore ce débat l'an dernier, hein, sur la majorité sexuelle à 14. Oui, ben, je suis pas d'accord. Moi, j'ai eu des enfants après et je suis désolée. Moi, je ne veux pas que la majorité, déjà 16 ans, je trouve ça très, très, très jeune. Donc, même en revisitant l'histoire, votre rapport est important parce que vous étiez vous-même une enfant à 14 ans, abusée par un homme de 29 ans. Ça, c'est la conclusion après un peu de recul. Jenny, merci pour votre rapport. Dans ce débat, chacun se fait évidemment un avis au 070-233-466. Mélanie Joris, je viens vers vous pour l'éclairage, puisque vous venez d'avoir un contact avec le délégué général aux droits de l'enfant. Sa position sur... cet amour qui n'aurait pas d'âge ? Eh bien, pour Bernard DeVos, il y a un problème dans la législation actuelle. On a légiféré de la même manière pour les relations entre un adulte et un mineur et pour les relations entre deux mineurs. C'est là qu'il y a un souci. Il faudrait donc faire une distinction puisque ce n'est pas normal, selon lui, de sanctionner de la même manière. Alors ensuite, il m'a dit être ouvert à une discussion sur l'abaissement de la majorité sexuelle quand il s'agit d'une relation entre deux mineurs. Par contre, quand il s'agit d'une relation entre un adulte qui a une autorité et un mineur, eh bien là, il souhaiterait qu'on se calque sur le modèle français et qu'on rehausse la majorité sexuelle à 18 ans. Finalement, quand il y a une relation comme ça entre un adulte et un mineur, eh bien l'âge généralement accepté est obtenu en faisant un petit calcul. On peut le faire ensemble. On prend la moitié de l'âge de l'adulte et on y ajoute 6-7 ans. Pour un adulte de 20 ans, l'âge accepté est donc de 16-17 ans. Pour un adulte de 41 ans, comme dans notre débat ce matin, eh bien, il faudrait que la compagne ait 26-27 ans. Ah, il y a un problème, elle a 16 ans. Elle n'a pas 26-27, elle a 16 ans, donc on est hors calcul. Merci pour l'info, Mélanie. Gand en Flandre. Mareike, bonjour. Bonjour, Benjamin. La Flandre est choquée par cet avocat de 41 ans qui vient de la région d'Anvers. Est-ce que vous, vous voyez dans son histoire une histoire d'amour ? Peut-être bien, parce que moi aussi j'ai eu une histoire d'amour, mais c'est après, quand l'homme n'est plus là, que ça devient très très difficile à un jeune âge, quoi. Vous vous mariez à 18 ans. Quel âge a monsieur à ce moment-là ? 48. Et la suite de votre histoire, c'est quoi ? C'est après 10 ans, il est mort d'un cancer, et ça m'a tellement touchée que j'ai plus jamais eu une relation avec un homme. J'en ai 64 ans maintenant et je suis toujours seule et j'ai eu, après ce décès, une vie de merde. Donc cette jeune fille... C'est très difficile parce que si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes rien pour la société, quoi. Vous n'avez pas d'aide, rien du tout. Mareike, ça veut dire que vous prévoyez le pire pour cette jeune fille. Il y a 25 ans de différence d'âge. 25 ans de différence d'âge... Catastrophe s'il arrive quelque chose à monsieur. Oui, parce que si mon mari n'était pas mort, il aurait 94 ans aujourd'hui. Et moi, j'en ai 64. Donc, c'est après que la différence est vraiment trop grande. Allez, ça a été peut-être un bonheur pour moi qu'il est mort à 58 ans. Mareike, j'entends que la différence d'âge vous a traumatisé, mais il y a un élément que vous ne mentionnez pas. Donc au moment de la rencontre, il a 39 ans, elle a 14 ans. 14 ans, ça ne vous dérange pas ? Elle fait la plus grosse bêtise de sa vie. Pourquoi ? Parce que c'est une différence de... Excusez-moi, mais je ne parle pas très bien le français. C'est la génération... Ça fait deux générations, ça va bien pour un moment, mais après, c'est foutu. Donc c'est la peur de l'écart. C'est la peur de l'écart, j'entends bien, en étant plus âgé, on risque forcément plus vite que d'autres. Mais ce n'est pas les 14 ans, ni la majorité sexuelle qui vous tracasse dans ce débat. Mareike, merci pour votre français dans la région gantoise. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que l'âge importe peu s'il y a accord parental ? Et 35% pensent que l'âge importe peu si les parents sont d'accord. À 14 ans ou 16 ans, un adolescent ou une adolescente peut être très mature, tout dépend de son parcours de vie. C'est du cas par cas. Si les parents estiment que leur enfant est prêt pour s'engager, pourquoi s'y opposer, me demande-t-on au standard. RTBF Mobile Info, Adrien Demey. Oui, on signale quelques perturbations encore, hein, même si la tendance est à la baisse. On voit que vers Bruxelles, ça circule mieux. Plus trop de soucis sur le ring de Bruxelles. On n'est pas loin d'une situation normalisée. Quelques minutes encore perdues, ça et là, mais sans conséquences trop importantes sur le trafic. Au cœur de Bruxelles, cela ralentit encore vers le centre-ville, via le tunnel cinquantenaire. Et puis, ces objets qui encombrent le 40 et que ça s'appelle Bruxelles, ce sont des profilés en aluminium, donc des objets relativement dangereux qui se trouvent au sol à hauteur des Haussards, au kilomètre 94, c'est en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Etias a résilié l'assurance dommages corporels d'un ancien présentateur de la RTBF. Ça, c'est pour la petite histoire, c'est pas ça qui nous frappe. Mais parce que ce monsieur avait 70 ans. Et donc, à 70 ans chez Etias, on vous vire alors. J'attends un nom après la pause. Vivacité présente. Bonjour. Entrez. Ah, bienvenue. Venez. Je suis là. Qui c'est? Ces 15 et 16 octobre à Dizon, Verviers, Astières et Colfontaine, partagez la passion de ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie. Découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Info sur walloniebienvenue.be, une initiative de la Wallonie avec la Une soirée cette dimanche. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Mai 1765, l'impératrice Marie-Thérèse décrète le démantèlement de toutes les brasseries seigneuriales pour une ville à faire de privilèges. Joseph Dubuisson, brasseur pour le seigneur, perd son moyen de subsistance. Impératrice ou pas, nous les petits, on brassera. Joseph fait un pied de nez à l'autorité et construit une brasserie à la limite des terres seigneuriales, juste en face de l'ancienne. Oh, une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, oh, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. S-C-I-D, portes et fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID Portes et Fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Sud Presse raconte ce week-end l'histoire d'un homme de 70 ans dont le contrat assurance dommages corporels a été résilié par Etias. Petite histoire, cet homme c'est André François, ancien présentateur de l'écran témoin à la RTBF. Eh bien, il y a quelques jours, cet homme a reçu un recommandé d'Etias lui annonçant qu'après 45 ans de cotisation, l'assurance dommages corporels était résiliée. Quels sont les arguments utilisés? Eh bien, c'est une probable augmentation des accidents corporels vu votre âge. Et le courrier lui dit, vous comprenez bien qu'ici on est dans une gestion rigoureuse du portefeuille de l'entreprise. On espère qu'à défaut d'avaliser le raisonnement, donc à défaut de nous donner d'accord, de nous donner votre accord et de comprendre, on espère au moins que vous comprenez ce qu'on fait ici. On gère le portefeuille pour les autres clients, vous êtes trop vieux. Donc à 70 ans, chez Etias, on vire alors. Vous cherchez dans ce dossier, Mélanie Joris, le bon interlocuteur, avez-vous un nom à nous donner? Oui, et ce nom, c'est celui de Benoît Rigaud, le porte-parole d'Etias Assurance. Alors il a déjà pu m'expliquer la philosophie derrière cette assurance dommages corporels. Elle a été créée dans les années 70 et l'objectif c'était de venir en aide en cas de coup dur pendant la vie active. Cette assurance, elle permet 4 choses. Elle couvre les indemnités en cas d'incapacité temporaire ou permanente. Elle couvre également les frais d'hôpitaux pendant 1 an. Et finalement, elle couvre aussi les frais de décès. Et dans le contrat que tout assuré doit signer, eh bien, il est écrit que celui-ci prendra fin à l'âge de 70 ans. Si on lit son contrat attentivement, eh bien, cette résiliation ne doit donc pas être une surprise. De plus, cette assurance, m'a dit Benoît Rigaud, elle a pour but d'assurer un revenu pendant la vie active. Et c'est cette partie qui est importante. Quand on est retraité, si on a un accident, eh bien on ne perd pas sa retraite, contrairement au salaire d'une personne active. Donc. Vous avez dans ce dossier un éclairage, eh bien laissez-le à eux au standard. Et le problème pour Julie Charleroi, c'est que la discrimination ne touche pas uniquement les personnes âgées, mais aussi les zones géographiques. Au troisième cambriolage, on a résilié son contrat pour raison de zone à risque. Elle a dû changer d'assureur. Et chez Etias, ils étaient d'accord pour l'assurer, mais à une condition qu'elle assure à ses frais toute sa maison. Dans ce cas-là, ils lui proposaient une assurance au montant très élevé. Tout à l'heure, Etias, face à ses responsabilités, nous avons résilié le contrat d'un homme de 70 ans qui pourtant cotisait depuis 45 ans. Donc à 70, chez Etias, on vous vire alors. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur l'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison, ce monsieur, quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Braine-l'Alleud. Charles, bonjour. Bonjour. L'amour n'a pas d'âge. Vous êtes d'accord avec ça ou il y a quand même des limites ? Non, pour moi, l'amour n'a vraiment pas d'âge. Ça correspond à ce que vous avez vécu ? Il y a une différence d'âge entre vous et madame ? Plus ou moins, parce qu'elle avait... Bon, quand je l'ai connue, j'avais 33. Et mon ex avait 23, vous voyez. Mais même si elle avait eu 10 ans de moins et que j'en aurais eu 33, ça n'aurait rien changé. C'était elle. C'était elle et personne d'autre. Oui, c'était elle et personne d'autre. Et c'est difficile, bon, parce que j'ai tout quitté pour elle, vous voyez. Bon, je ne dis pas que ça va durer, que ça dure dans le temps. Vous voyez ? Mais à ce moment-là, on ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Charles, sauf que dans votre dossier, 33 et elle 23, majeure accomplie depuis belle lurette. Ici, on a un homme un poil plus âgé que vous, qui est face à une jeune fille de 14 ans. Est-ce que là, on a le droit moral de se dire « c'est elle et personne d'autre » ? Si les deux parties sont dans le même état d'esprit, la nature est là et c'est comme ça. Maintenant, on dit la majorité à 16 ans. OK, c'est un papier qu'on a écrit. Mais comment aller à l'encontre de la chimie qu'on ressent en soi, vous voyez ? L'âge qu'on donne, c'est un âge que l'être humain a donné. Ah ben, comment aller à l'encontre de la chimie ? Par la loi. Et la loi dit qu'à 14 ans, on ne peut accepter aucun consentement en relation sexuelle. Donc oui, même si la jeune fille dit oui, elle ne peut juger, pas. Qui sommes-nous pour juger de donner un âge, une date, pour dire voilà, vous voyez, là tu peux pas. Qui sommes-nous pour juger de ça, vous voyez ? Donc vous étonnez ce que certains s'étonnent ? C'est la morale, ce qui dérange c'est la morale des gens, vous voyez ? C'est le pouvoir que peut avoir l'adulte envers l'enfant. 15 ans enceinte, c'est normal ? Ou envers, mais ça ne s'explique pas, vous voyez ? Vous pouvez pas dire maintenant... Je dis pas que la personne, l'adulte, ne profite pas de l'enfant, vous voyez. Moi, je parle que l'amour est plus fort qu'un bout de papier. Mais Charles, là, la justice, elle va pas expliquer. La justice, maintenant, elle va dire condamnation, pas condamnation. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est fait parce que c'est la nature humaine qui veut que ça soit comme ça, vous voyez. Et donc, au tribunal, il faut dire la chimie. L'humain a donné, vous voyez. Il faut voir plus loin que tous ces bouts de papier que l'humain a écrits. Vous voyez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des pédophiles ou des choses comme ça. Bien sûr qu'il faut faire des lois pour ça. Mais quand il y a vraiment l'amour qui est là, il n'y a plus rien qui... Charles, comment on distingue la chimie de la pédophilie ? Ça, c'est le complexe. C'est ça qu'il faut d'abord arranger. Ah ben c'est ça toute la question de ce matin. Dans le fond, pour le dire autrement avec d'autres mots, c'est ça la question de ce matin. Parce qu'il y a dans ce dossier suspicion d'emprise d'un adulte sur un mineur, suspicion incestueuse ou pédophile, ça dépend les mots que vous utilisez. Voilà bien l'enjeu de la conversation. Charles, tout ça n'est que chimie. Nous allons au 070-233-466. Zoé, une adolescente, lorsqu'on a plus de 30 ans, c'est de l'abus de pouvoir. Ça semble être une certitude dans les derniers appels. Et cette idée, c'est Franck de la Bruyère qui nous la donne. Selon Franck, il faut arrêter de se voiler la face quand on a au-dessus de 30 ans et qu'on drague une adolescente. On sait très bien ce qu'on fait et surtout, c'est un abus de pouvoir dans le sens où on a vécu plus de choses, on connaît plus de choses, donc forcément, on a plus d'influence sur cette jeune fille qui, elle, rentre dans la vie et a envie de découvrir toutes ces choses. Franck est papa d'une jeune fille de 14 ans. Il ne pourrait pas tolérer qu'elle soit avec un jeune homme beaucoup plus âgé qu'elle, même s'il n'avait que 25 ans. C'est vous qui le dites, Charleroi. Sarah, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Quel âge a votre fille ? Ma fille, elle a 13 ans. Vous connaissez bien les adolescentes ? Tout à fait. Elle a 14 ans et on semble nous dire qu'elle tombe amoureuse de ce bel Hidalgo de 39 ans dans le milieu de l'équitation. Deux ans de relation plus tard, voilà qu'elle tombe enceinte et monsieur ne part pas. Il reste et veut l'épouser. Ma question est que les parents, ils étaient où ? Franchement, à 13 ans, moi, je ne vois pas ma fille, je ne peux pas la lâcher. Ma fille aussi fait l'équitation. Et il faut surveiller parce qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, on est perdu dans la vie. C'est-à-dire, on veut découvrir, on veut voir beaucoup de choses, on veut essayer énormément de choses. Et c'est là le rôle des parents. Ah ben c'est la chimie, Sarah. Vous avez entendu Charles juste avant, c'est la chimie, ça. Quand c'est elle, c'est elle. La chimie, s'il vous plaît. On va où, s'il vous plaît. C'est Charles qui dit ça. Il y a des communautés où, lorsqu'on entend le mariage très tôt, on parle de vente, on parle... Et là, oui, c'est la chimie. Mais quelle chimie, on va où ? On va droit au mur. Ce monsieur qui a parlé de chimie, je crois qu'il n'a pas d'enfant. Moi, j'ose pas. Je suis choquée, croyez-moi, Benjamin, je suis choquée. J'ai ma fille, la voir avec un homme de 39... Qu'est-ce qu'elle va faire avec un homme de 39 ans ? Est-ce que deux ans de relation, ça prouve une forme de sincérité, Sarah, ou pas ? Quelle sincérité ! De quoi elles vont discuter, franchement, de quoi elles vont discuter un homme de 39 ans et une fille de 13 ans, 14 ans ? Franchement, là, c'est un abus. C'est un abus, mais clair et net. Même au niveau culturel, même au niveau... La justice doit intervenir pour vous ? S'il vous plaît ? La justice doit intervenir ? Ah, évidemment ! Ah, évidemment, clair et net ! Et il ose dire que c'est question d'amour. L'affaire va en justice. Hein. L'affaire va en justice. Il y a tribunal demain. Et on est d'accord qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la loi ce matin, puisque la majorité sexuelle dans ce pays est à 16 ans. 16 ans. Nivelle, Claude, bonjour. Bonjour, Benjamin. Votre voisine de 12 ans est enceinte ? Oui, d'un monsieur de 26 ans. Enfin, c'est un monsieur. Comme on voit physiquement, c'est un jeune monsieur. Vous avez le fin mot ? Est-ce qu'il y a accord parental ? Est-ce qu'il y a émancipation de mineur ? Est-ce qu'il y a ? On en est où dans ce dossier ? Ben, tout à fait. De toute façon, ce jeune homme, c'est pour moi si vous l'appelez, il y a 26 ans, je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler, mais il va chez les parents, sans problème, ils vont en voiture ensemble, avec les parents, donc c'est d'accord. Pour les parents, c'est d'accord, quoi. Il y a un accord parental. Ah oui, ben oui, c'est clair, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et non, vous, vous trouvez ça normal ? Vous me dites que l'amour n'a pas d'âge ou vous avez un doute, un bémol ? Bon, pour moi, l'amour, effectivement, n'a pas d'âge. Maintenant, bon, ici, dans le cas de votre sujet, 41 ans et une fille de 12 ans, c'est vraiment excessif, ça. C'est énorme. Enfin, ici, encore une fois, il y a des filles de 12 ans qui en paraissent 18. Et des jeunes de 26 ans qui n'ont plus qu'à 18. Attendez, j'essaie de comprendre où est votre frontière. Parce que pour vous, 12-26, c'est normal, c'est l'amour. Mais 14-39, ça ne marche pas. Où est la différence ? Mais la différence, c'est ma voisine en question qui a 12 ans, elle en a près 16-18, sans problème. Et lui qui a 26 ans, il en paraît 18-20. Oui, mais la loi, elle ne parle pas des apparences. Hein. La loi, elle parle de l'âge, carte d'identité. Et elle dit, la majorité sexuelle, c'est 16 ans, point, puntan de laine. Elle ne dit pas selon que vous ressemblez à... Effectivement. Donc là, si on respecte la loi, ben, beaucoup de gens sont dans l'illégalité alors. Hein. Beaucoup de gens, parce que si vous prenez un jeune homme de 21 ans, ben, il est adulte depuis longtemps déjà. Elle a 15 ans, elle ne l'est pas. Or, fréquemment, on voit en ville des jeunes de 21 ans, des filles de 15-16 ans. Hein. C'est courant ça. Hein. Claude, est-ce que vous êtes favorable à l'abaissement de la majorité sexuelle à l'âge de 14 ans dans notre pays ? Non, c'est trop jeune. Encore une fois, ça dépend pour quel genre de fille. Ah non, mais la loi, c'est pour tout le monde. C'est pas à la carte. C'est pour tout le monde ou personne. Et c'est ça le gros problème. Ça, c'est le gros problème. Parce que des filles à 12 ans, souvent les enfants, il y en a à 12 ans, c'est comme si on avait 18. C'est pour être sûr d'avoir bien compris, Claude, puisque c'est hors cadre légal. Votre voisine à 12 ans, enceinte d'un homme de 26 ans, c'est une histoire d'amour pour vous. Oui, mais c'est illégal. Voilà. Ce sera la conclusion qui est la vôtre à Nivelle, Claude. Dans un instant, la question qui dérange. Et donc à 70 ans, chez Etias, on vous vire alors. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher ? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtements de sol, le 6e est gratuit. Watio, chaussée de Namur à Nivelles, voir conditions en magasin. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Leçon numéro 13 du Kamasutra. Regardez attentivement le label énergétique pour choisir votre nouvelle chaudière. Il vous dévoile si elle est économe. Avec un label A, vous faites du bien à l'environnement et à votre consommation. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Et grâce au label énergétique, il est maintenant encore plus facile de choisir une chaudière super économe. Plus d'infos sur informazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Hé, hey, bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APAC W. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Inferno. L'humanité est le mal, et Inferno, le remède. La suite tant attendue de Da Vinci Code et d'Anges et Démons. Pour y assister le 18 octobre à Bruxelles ou à Liège, 0905 56 474 57 par appel. Regardez, c'est un indice. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Etias a résilié l'assurance dommage corporel d'André François, qui pour la petite histoire est un ancien de la RTBF, ancien présentateur de l'écran témoin, parce qu'il est arrivé à 70 ans. Avant d'interpeller Etias qui vire les gens de 70 ans, dernier éclairage au standard. Oui. Le problème pour Annick Dehaene, c'est que l'on fait culpabiliser les seniors qui ont fait notre présent en cotisant toute leur vie. Annick tient à rappeler à Etias que la vieillesse est une conséquence sine qua non de la vie et non pas une maladie, et quand bien même s'en serait une, doit-on exclure de notre société toutes les personnes qui ne sont pas dynamiques et bien portantes? Le porte-parole d'Etias Assurance est en ligne. Benoît Rigaud, bonjour. Bonjour. Pour ne pas parler dans le vide, d'abord, de quel produit parle-t-on? Que couvre cette assurance dommages corporels? Donc c'est une assurance individuelle contre les accidents corporels. Elle couvre plusieurs choses. Elle couvre un montant en cas de décès de 25 000 euros. Elle couvre un montant de 25 000 euros en cas d'invalidité permanente. Elle couvre également une indemnité journalière en cas d'invalidité temporaire. Et enfin, elle couvre des frais de traitement médicaux jusqu'à un an de traitement médicaux. Et cette assurance est proposée à un prix moyen de 58 euros. Est-ce que ce monsieur, André François, ex-présentateur de la RTBF pour la petite histoire, est-ce qu'il pouvait s'attendre à être exclu du système parce qu'il a l'air d'avoir été pris de court? Mais oui, dans la mesure où le contrat le prévoit depuis l'origine. Donc c'est un contrat qui a été créé il y a environ 40 ans. Et dans les conditions générales, donc dans les conditions du contrat, il est indiqué que le contrat s'arrête à l'âge de 70 ans. Maintenant, je sais que peu de gens lisent jusqu'au bout les conditions générales, ou s'il l'a lu il y a 30 ans quand il a pris le contrat, peut-être qu'il a oublié depuis, mais voilà, c'était indiqué dans le contrat dès l'origine de la souscription. Je vous fais deux questions en une. Pourquoi ne pas alors avoir tact et élégance prévenu il y a 5 ans qu'on arrivait au terme du contrat, ce qui permettait de se retourner? Et deuxième question, pourquoi ne pas avoir proposé un nouveau système de primes ou de cotisations liées à l'âge du client? Mais effectivement, c'est une solution de proposer un contrat au-delà de 70 ans. Mais on l'a évidemment envisagé, mais le problème, c'est que le risque est tel que ça devient quasi impayable. Donc on parle à ce moment-là d'une prime de 500 euros par an au lieu de 50 euros. Et donc on a préféré limiter en fonction des statistiques. Hein, une assurance, c'est toujours basée sur des statistiques. On calcule un risque potentiel et on met une prime qui est en face de ce risque-là. Et pour qu'un maximum de gens puissent profiter du contrat, à une prime la plus modique possible, donc 58 euros, on a préféré limiter le contrat à 70 ans. Mais un risque tel, c'est quoi? Le nombre d'accidents augmente de 2 fois, de 3 fois, de 4 fois à 70 ans? C'est quoi un risque tel? De 10 fois, oui. Et vous auriez pu proposer cette assurance à 500 euros, libre au client de l'acheter ou de ne pas l'acheter? ça aurait pu être une optique, mais c'est pas celle-là qui était retenue, effectivement. Un mot, Benoît Rigaud, sur la logique de communication qu'elle avoue. Donc, dans ce courrier recommandé, André François explique que vous lui dites en gros, on comprend bien que vous ne serez pas d'accord, mais comprenez au moins la logique. Nous, on gère le portefeuille des Tias, et donc vous êtes un peu trop vieux. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est la bonne manière de formuler les choses ? Alors, peut-être que la formule est mal comprise ou mal libellée, ça je peux éventuellement le reconnaître, mais la logique qui sous-tend la résiliation est celle que je viens d'expliquer, la statistique étant telle que le contrat devient impayable pour l'assuré, et donc on a préféré l'élargir à un maximum de personnes, mais le limiter à l'âge de 70 ans, où on constate que les statistiques, dans les faits, c'est un fait objectif, et c'est légitime pour l'assureur de se baser sur des faits objectifs pour résilier des contrats. Après 45 ans de cotisation, plus rien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres assurances que vous proposez qui s'arrêtent automatiquement à 70 ans ? À 70 ans, je ne sais pas, j'ai pas fait le décompte, mais nous avons des assurances qui vont jusqu'à 99 ans, par exemple. Nous avons un contrat d'assurance vie First bien connu qui va jusqu'à 99 ans. Donc voilà, le critère d'âge n'est pas un critère absolu, c'est basé sur des statistiques, encore une fois sur des faits objectifs. Et si on veut que les personnes puissent s'assurer, il faut quand même rester dans des limites raisonnables au niveau de la tarification. Alors, question client, 20 secondes, c'est ce qui reste devant nous. André François n'a plus d'assurance dommage corporel. Vous avez un produit qui remplace ça ou vous n'avez rien du tout ? Ben, y a différents produits qui peuvent couvrir les risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des assurances d'essai, on n'en a pas jusque-là. Il y a d'autres produits qui peuvent, mais à ce moment-là, je dirais que chaque risque est, entre guillemets, pris en charge par un produit d'assurance spécifique. Donc il peut aller piocher ailleurs. Merci d'avoir répondu en toute transparence. Vous êtes porte-parole d'Etias Assurance, Benoît Rigaud. On va vers les enseignements. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas ? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute ? Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abio, fenêtre, porte, véranda, abio.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abio pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abio, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abio, fenêtre, porte, véranda, abio.be. Concentration maximale pour les Diables Rouges. La qualification pour le Mondial 2018 continue. Gibraltar-Belgique. Ce lundi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence, Marion Jomotz, par le débrief sur la page Facebook. À 70 ans chez Etias, on vous vire, du moins pour le contrat assurance dommages corporels. À ce propos. Et vous êtes 42 229 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Jessica écrit ceci, c'est scandaleux, son compagnon et elle sont assurés chez Etias pour les voitures depuis le mois de février, mais c'est décidé, elle va donner son préavis de 3 mois et partir de là s'il n'y a vraiment que l'argent qui intéresse Etias. C'est le commentaire de Jessica sur notre page Facebook. Facebook. Vous avez choisi une conversation sur cet avocat de 41 ans qui voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé. Est-ce qu'il a raison, ce monsieur, quand il dit « l'amour n'a pas d'âge » ? Eh bien, vous avez été très nombreux ce matin à estimer qu'effectivement, l'amour n'avait pas d'âge, même à ce moment-là. Un regard plutôt bienveillant, surtout d'ailleurs de la part des couples à différence d'âge. On se souviendra notamment de Jean-Luc, 58 ans à l'époque, qui a attendu que sa compagne ait 18 ans pour entamer la relation. Plusieurs mères de famille, d'un avis tout autre, qui ont clairement estimé qu'il s'agissait là d'un acte illégal, pédophile, avec emprise sur mineurs. Le regard était tout sauf bienveillant. Et puis l'info venant des experts, du délégué général aux droits de l'enfant, en général, quand il y a une relation majeure mineure, eh bien on prend la moitié de l'âge de l'adulte et on ajoute 6-7 ans. On obtient là une différence d'âge qui est acceptable. Dernière personne, Zoé, à laquelle vous avez parlé au standard. Et c'était Noëlla de Namur. Elle avait 12 ans quand elle a rencontré son mari de 24 ans, mais elle a attendu ses 18 ans pour avoir des rapports sexuels. À 20 ans, ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants et une relation de couple plutôt épanouie. Pour Noëlla, quand un homme vous aime vraiment, il attend que vous ayez un âge approprié pour avoir des rapports avec vous. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur l'homme de 41 ans qui fait un bébé à une jeune femme de 15-16 ans, parmi les moments de ce matin. Il y a eu Michel de Senef à 10h15, elle a 34 ans et son mari en a 59, leur fille 7 ans. En trois mots, c'est un couple épanoui. Ben moi j'ai 34 ans et mon mari a 59. L'amour n'a pas d'âge pour moi. Moi je pense qu'ils sont sincères et puis je crois à leur amour. C'est l'amour dans tout ça qui compte. Et en plus le monsieur prend toutes ses responsabilités. Il pouvait fuir. Hein. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est honteux des choses comme ça. Non. Moi je suis contre pour cette union. Mais surtout l'âge de la petite. C'est 14 ans, c'est maintenant peut-être 16, mais c'est un âge irresponsable. Ma copine a 20 ans, moi j'ai 60 ans. Au début de notre relation, ça me tracassait énormément parce que principalement pour le regard des autres, le regard de la famille et tout ça, quoi. Ça me tracassait. Et puis nous avons discuté ensemble. Bon, elle m'a expliqué qu'elle était bien avec moi, que j'étais bien avec elle. Et nous avons mis nos deux misères ensemble, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un gros écart. Pour moi, il a profité de la naïveté de l'enfant. Et étant avocat lui-même, il connaissait très bien les lois. Donc pour moi, il veut échapper aussi aux lois en demandant le mariage. Pour moi, s'il avait attendu, par respect pour l'enfant, s'il aime la fille, il attend que la fille a 18 ans, il la demande en mariage et il lui fait un enfant après. Il y a des communautés où, lorsqu'on entend le mariage très tôt, on parle de vente, on parle... Et là, oui, c'est la chimie. Mais quelle chimie? On va où? On va droit au mur. Ce monsieur qui a parlé de chimie, je crois qu'il n'a pas d'enfant. Moi, j'ose pas. Je suis choquée. Croyez-moi, Benjamin, je suis choquée. J'ai ma fille, la voir avec un homme de 39. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un homme de 39 ans? Et donc dans ce débat, pas d'ambiguïté. La majorité sexuelle dans ce pays est à 16 ans, pas en dessous. À demain.